tous les jours sur RMG. RMG. I turn it up loud. Écoute. Réagis en direct et gagne des cadeaux. RMG. RMG. La première web radio de la région. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans RMG Gaming, l'émission gaming d'RMG, comme son nom l'indique. Alors, je suis Fanny, nous sommes donc sur RMG, nous sommes le dimanche 26, oui c'est ça, on a eu un petit problème hier et on n'a pas pu émettre hier, mais du coup aujourd'hui on est là, on est fidèles et désormais ce sera tous les dimanches, les derniers dimanches du mois que nous nous retrouverons tous autour de cette table avec Loïc. Bonsoir Loïc. Salut Fanny, comment vas-tu? Eh ben je vais bien, et toi? Bah écoute, nickel, ça va, ça va. D'accord, et à côté de toi il y a Max. Eh ben salut à tous. Comment tu vas Max? Bah ça va, j'ai acheté de nouvelles chaussures, je suis content, merci. Ah bah d'accord, ok. C'est un nouvel homme qui est devant nous. Je savais pas que c'était RMG Fashion, tout ça, alors quelle couleur? Ouais, ça pourrait être pas quelle mal. Quelle taille, hein? Ouais bah tu l'organises cette fois, ah, d'accord, non, ok. Moi par qui habille, c'est bon. On peut faire un quiz sur sa pointure. Le vainqueur remporte sa paire de chaussures. Attention, l'ancienne. L'ancienne. Oui, mais là, ça devient vachement moins intéressant. Sauf si tu deviens célèbre dans quelques années. Oh, mais j'y travaille, j'y travaille. J'y travaille. Fais gaffe, hein, si tu commences à faire, une rubrique fashion et à offrir tes anciens trucs, tu vas finir dans l'émission du gros show. Bah, écoutez, le gros show, bah, qu'on salue, hein, s'il nous écoute et qu'il nous écoute sûrement pas. Voilà. Salut le gros show, nous on vous aime, vous ne nous aimez pas. Tout va bien. C'est ça. Et eux, c'est le dimanche, le premier dimanche du mois en général, et nous, ce sera le dernier. Voilà, c'est ça. Donc nous, on finit le mois, ils le commencent. Donc on ratisse un peu la merde qu'ils ont fait au début du mois. Voilà, et puis nous maintenant, fini le samedi, on a compris que c'était compliqué pour nous le samedi. Il était maudit, il n'en voulait pas. On a tenté le samanche, mais ça marche pas non plus. Ah ouais, non, non. Mais ça surtout me tentait bien le samanche pourtant, je suis déçu. Surtout un jour où on a des heures de sommeil en moins. Et ça, ça joue. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans cet état. Avec moi à côté, nous avons donc notre réal du génie. Oh, merci. Nikos, salut Nikos. Applaudissements. Alias Cheat Code. Cheat Code. Le roi du cheat. Ressouvenez-vous d'une émission passée que vous avez dû écouter en podcast. Voilà, point. Voilà, oh là là, le mec il fait des teasings comme ça. Pas mal, pas mal. On le rediffusera encore une fois sur notre page Facebook. Donc nous retrouvons pour cette émission avec bien sûr nos chroniques comme d'habitude. Avec ce mois-ci un super dossier sur Loïc. Alors du coup, le dossier, donc c'est sur un test en fait que j'ai effectué sur le jeu Mass Effect Andromeda. D'accord, et nous avons un deuxième dossier bonus. C'est surtout sur le dossier, est-ce que adapter des films, des jeux vidéo en film, et... est-ce une bonne idée? Ouais. Voilà. Je te rappelle que c'est toi le créateur du sujet. Le professionnalisme, toujours. C'est très important. Ça s'appelle l'humilité. Voilà, je suis quelqu'un de humble. Il y a toujours une très bonne ambiance à RMG Gaming, comme vous le savez. Alors, je vais demander à Max de nous faire les petits récapitulatifs des moyens de communication. Ah oui, alors vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Radio Malherbe Grenoble, RMG officiel, sur la page... RMG Gaming avec officiel. Avec un seul G. Avec un seul G. Enfin non, deux. Ah, écoutez, je suis pas au courant. Enfin non, mais il y en a deux dans le mot. Oui, il y en a deux. De G et de Gaming. Vous tapez ça sur Facebook, vous trouverez. vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter @RMG38, sur les applis TuneIn sur Android, iPhone. Et bien sûr, sur la radio officielle de RMG sur le net. Voilà, c'est ça. Et donc, je vais vous faire un petit sommaire. Nous allons, à la fin, avoir les petits agendas avec, justement, ce qui va sortir dans les mois à venir. Et je pense qu'il y a du lourd. Il y a du lourd. Nous allons avoir aussi un petit top and flop avec nos petits coups de cœur et nos petits flops aussi du mois. Nous avons donc nos deux dossiers qu'on a annoncés. Le « Et toi, à quoi tu joues ?» Et le pick-up. Alors tout de suite, on va commencer par le pick-up de Max. Bah écoutez, il y a pas très longtemps, là tout le monde est au courant. Le Facebook de Netflix a partagé une info qui ne concernait pas du jeu vidéo, mais un manga bien connu qui s'appelle Death Note. Netflix, le grand distributeur de streaming, de films en streaming et de séries, il a adapté le super manga Death Note en film, et cela sort fin août, il me semble, si je dis pas de conneries, le 24. Et Du coup, pour expliquer le principe de Death Note, c'est tout simplement un jeune lycéen qui tombe sur un carnet magique où il peut inscrire le nom de personnes et ces personnes meurent quasiment instantanément de la façon dont il le décrit. Et ça tourne autour de ça et c'est un manga qui est fort connu, fort reconnu et très palpitant, très sombre. Et ça tombe bien parce que du coup on va décrire les jeux vidéo adaptés en film et je dois vous avouer que j'ai quelques craintes en ayant vu le trailer, parce que déjà premièrement c'est un trailer qui met en scène des Occidentaux. oui. Et ça me fait, on va dire clairement, ça me fait chier que comment dire, ce qui porte l'identité d'une série aussi, là d'autant plus que c'est un manga, c'est aussi son origine et son implication culturelle dans Et exactement. Et là on tombe encore avec le cliché du héros. Américain, enfin pas forcément beau gosse hein, non plus, mais c'est bon, il a pas l'air dégueu hein, de ce que j'en ai vu. Oh, de ce que j'en ai... ouais bon après c'est un Américain. Voilà vous dites ça parce que je suis une fille et tout ça c'est ça. Mais vous pouvez pas reconnaître la beauté. Non franchement il est moyen mais je bon. Oui. On n'est pas là pour parler de ça non plus. Ah bon? Alors... Mais merde, je pensais qu'on était dans Fashion RMG. Non mais blague à part, c'est vrai que c'est assez on peut avoir peur de l'orientation prise déjà parce que le trailer semblait assez rythmé, assez poussif alors que le manga en lui-même, enfin après dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, il est assez posé, il est assez calme puisque c'est un jeu d'enquête, un jeu de tromperie, un jeu de qui est le plus Il est long aussi. Enfin c'est un manga qui est long pour une histoire on va dire courte comme celle-là parce qu'au final si tu résumes c'est un synopsis assez simple, mais ils prennent bien le temps d'installer tous les personnages, etc. Et je pense que oui, j'ai vu le trailer effectivement. Et je pense que c'est ça qui risque de manquer un petit peu sur un film, sachant qu'il y a déjà eu des films japonais qui ont été réalisés. Apparemment, ils sont foirés, non ? C'est pas ça. J'ai beaucoup de mal à regarder les adaptations live parce que je trouve toujours ça un peu bizarre. Mais c'est très cliché en général. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment mal fait, je trouve, en général. Puis je veux pas parler, je veux pas lancer le débat des acteurs japonais, mais bon. Voilà. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils vont faire justement là le film avec des acteurs américains, c'est peut-être pour toucher l'Occident et vraiment je pense que c'est, plus, c'est totalement ça. Clairement, c'est obligé. En plus, ils utilisent un casting qui est pas dégueu, J'ai vu un nom pour la voix d'un des personnages, Ryuk, pour ceux qui connaissent, ça sera William Dafoe qui. Ah d'accord, qui... ok, mais oui, quand ce même. Ce n'est pas gage de qualité parce que William Dafoe, aussi bon soit-il, je crois qu'on va en reparler. Et la joie dans Beyond Two Souls, c'était quand même de la merde. Ah, voilà. Le petit teasing. Voilà. On en reparlera tout à l'heure, effectivement. Mais oui, c'est vrai que William Dafoe, c'est quand même un grand acteur. C'est un grand nom du cinéma. Mais en même temps, maintenant, Netflix a les moyens. Ben, il a les moyens, mais tu vois, ce qui me fait un petit peu chier aussi par rapport à l'origine des choses, c'est que Netflix possède ses propres séries. Estampillé Netflix comme leur production parce que sur leur streaming ils proposent des catalogues des films qui sont pas eux, des séries qui sont pas spécialement eux, etc. Mais là c'est écrit Netflix et Netflix, faut savoir qu'ils ont des si je dis pas de conneries, ils ont des studios japonais. Ils ont 2-3 séries. Je crois oui, au niveau de l'animation. Mais même en tant que acteur studio, etc. Ils ont des acteurs japonais. Bon, c'est très girly, c'est très kitsch, mais c'est l'orientation qui est prise. Mais ils ont du personnel japonais. Et c'est quand même dommage, je trouve. Après, il y a déjà eu des films japonais. Ouais. Voilà. Oui, mais c'est peut-être ça. C'est pour ça que quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, ça pue, mais on ne sait jamais. Ouais. Quelques paillettes, ça peut le faire. Bah peut-être. Mais c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon flop parce qu'on ne peut pas, pour le moment, juger la qualité. C'est juste que c'est plutôt des craintes par rapport à ça. Mais on peut aussi avoir espoir que ça soit une très bonne adaptation. Et enfin, on l'espère. Le 24 août. C'est le 24 août, 2 jours après mon anniversaire. Oh, du coup, notez bien, c'est le 22 août. Bien joué, notez bien dans vos agendas. Celui qui me souhaite mon anniversaire aura le droit à rien du tout, si ce n'est ma totale reconnaissance pour le futur et ça ne sert à rien. Je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien parce que je ne ferai pas de grand chose dans ma vie. Voilà, c'était sympa. Bonne nuit à tous. Alors du coup, moi j'ai aussi un petit pick-up, mais je pense que je vais plutôt en parler dans les top ou flop parce que j'ai envie. Voilà. Ah. Et voilà. Ah, du coup, on raccourcit le pick-up. Ah, très bien. Et on va parler tout de suite du « Et toi, à quoi tu joues ?» Jingle. J'ai pas de jingle. Pas de jingle. Eh ben, chante-nous un jingle, Nico. Non, vous voulez pas. On va perdre les deux personnes qui nous écoutent si Nico se met à chanter. Alors du coup, qui veut commencer avec son jeu du moment? Allez, vas-y Loïc. Alors moi, donc ce mois-ci, j'ai énormément joué à Horizon Zero Dawn. Ah, oh, merci, j'attendais ta critique avec plaisir. Alors, donc déjà, je tiens quand même à rappeler qu'il est disponible depuis le 1er mars exclusivement sur PS4. Et donc c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Donc pour rappel, en fait, on y incarne Aloy, qui est une paria rejetée par sa tribu et qui partira en quête pour comprendre pourquoi son monde est retourné à l'âge de pierre tandis que les machines ont pris possession du monde. Et donc elle va partir en quête pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est un jeu vraiment typé RPG, exploration. Et je trouve honnêtement que graphiquement, pour ma part, c'est un énorme coup de cœur. C'est le plus beau jeu de la PS4 actuellement, je trouve. Après, c'est subjectif, mais... On a vu les screens que tu as mis sur ton mur Facebook et sur ta page Facebook. Alors effectivement, j'ai inondé Facebook de screenshots de Horizon Zero Dawn. Ce jeu, pour moi, c'est juste une vitrine graphique. Mais ça a l'air d'être dur de ne pas prendre de screens tellement les screens que tu as pris sont beaux. Bah, en fait, les panoramas sont tellement magnifiques que t'es obligé de t'arrêter. Tu prends 5 minutes à mettre des filtres sur tes photos. Vraiment, c'est encore pire que Snapchat. Snapchat post-apo, tu sais. Voilà, le Snapchat du geek, et c'est vraiment un jeu mais magnifique quoi. En plus c'est hyper varié, tu passes de la neige dans les déserts, dans les forêts, c'est vraiment... un open world, non? C'est un open world, et en plus la map est vraiment immense, il y a vraiment de quoi faire, et c'est vraiment un jeu vraiment très intéressant pour ma part. Et au début je pensais que j'allais m'ennuyer un peu parce que je suis pas un grand fan des open world, je m'ennuie très vite dans le genre de jeu, et là franchement il tient en haleine du début à la fin quoi. Est-ce que la trame, en fait le problème que tu as avec les open world, c'est peut-être aussi que la trame scénaristique te prend pas énormément? Là elle est présente vraiment? Bah justement oui, là il y a un scénario qui est intéressant. Puis moi ce que je reproche d'un point de vue global aux open world, c'est que par exemple des fois pour aller d'un point A à un point B il va te falloir je ne sais combien de minutes, le scénario est pas forcément hyper creusé et j'ai vite fait de m'ennuyer en route en fait. Mais là, franchement, il est vraiment très très bon et je le conseille en tout cas pour ceux qui ont une PS4 et qui cherchent un bon RPG open world à faire. Tu me rappelles le titre du jeu en anglais, s'il te plaît? Horizon Zero Dawn. Zero Dawn. Ah, d'accord. Alors, parce que c'est pas Dawn, hein, c'est pas O-W-N, c'est Dawn, alors, D-A-W-N. D-A-W-N, Dawn, on est bien d'accord, ok. Parce que moi, je suis tombé quand j'étais, je sais plus à quelle gare, je crois que c'était gare d'Annecy ou un truc comme ça. T'as, vous savez, vous avez dans les gares maintenant, il y a des grandes bornes où t'as des vidéos qui sont diffusées, tout ça, pour annoncer des films, tout ça. Et il y avait justement le teaser de Zero Dawn. Et j'adorais parce que j'étais scotché sur la version française de la bande-annonce. C'était donc le titre, mais ça, il ne prononçait pas down, mais don. Don. Non, don. Horizon. J'étais, Horizon don. J'ai scotché en attendant pendant une demi-heure le train. Quoi, du coup, il l'a écouté 20 fois. Depuis, il ne dort plus. C'est ça. Je pense que le zéro don, ça veut dire ne donner rien. Quoi. C'est zéro don, ne payez pas. Zéro don. Téléchargez-le. Téléchargez-le pour rien. Voilà, bravo aux publicistes qui ne font pas attention aux prononciations anglophones. Merci d'y prêter attention. Merci à toi d'y avoir fait attention aussi. Mais en même temps, c'est un peu le mal français, j'ai envie de dire, ce genre de traduction à la con. Le franglish. Le franglish, il fait mal quand même. Ah, voilà. Très mal, très mal. Et sinon, moi, j'ai vu le jeu tourner, chez un pote. Alors, c'est vrai que graphiquement, il y a vraiment rien à redire, si ce n'est que moi, je trouve que des fois, il y a des trucs qui ressortent vachement fluo, genre la végétation quand il fait nuit avec. Un peu lens flare, un peu. Oui, enfin, tu vois, il y a la lune et du coup, ça éclaire tout et genre, tu vois la végétation verte de chez verte. Tu vois, c'est assez bon. Ça, c'est vraiment pour chipoter. Je crois que je dirais que c'est un choix. Après, visuel. Un choix graphique, ouais, visuel. Ouais, peut-être, mais du coup. Bon, c'est vraiment pas un reproche. Non. Mais il y avait les changements météo et mon pote, en me montrant le jeu, me disait, ouais, c'est vrai que les changements météo, des fois, ils sont un peu rapides, tu vois. Et du coup, on marchait, je fais, ouais, c'est vrai que c'est joli. Et là, d'un coup, il pleut. Waouh, c'est cool, il pleut et tout. Et bah, bam, il refait soleil. C'est transition, tout a séché, tout est machin, tout est truc. Je fais, ouais, ils abusent quand même. Hein, c'est bien joli de montrer qu'ils savent faire de la météo, mais il faut savoir un petit peu. Celle de The Witcher, par exemple, était. Peut-être que graphiquement moins intéressant, elle était mieux gérée, sauf qu'il y avait des endroits où tu traversais, on va dire que tu traversais un village et pouf, plus de bruit. plus de pluie. C'est-à-dire que le village était dans un espèce de microclimat. Mais il faut bien qu'il y ait une limite. Oui, mais quand même. Oui, non, mais tu vois mais la pluie, c'est net comme ça. Après, The Witcher a quand même quelques années. The Witcher 3. Oh, 2. Ouais, mais puis surtout, il a été très buggé aussi. Mais sinon, au niveau jouabilité, du coup, comment ça se passe, Zero Dawn? Parce que c'est pas que graphique non plus. C'est aussi oui, bien sûr. Bah après, le gameplay, pour être honnête, est loin d'être révolutionnaire. Hein. C'est vraiment très classique des open world, des RPG. C'est, t'as ton personnage, t'as son équipement, son armure, ses améliorations de compétences. Après, bah voilà, elle peut escalader des murs, courir. Pas tous les murs d'ailleurs. C'est aussi un des reproches, je pense, que j'ai vu, c'est que tu peux pas grimper sur, c'est grimper sur là où ils veulent que tu grimpes. Un peu voilà, comme dans les Tomb Raider. Où t'as l'espèce de petit rebord un peu plus clair pour te dire voilà. Là tu peux grimper. C'est un peu dans cet esprit-là, t'es pas totalement libre en fait, mais t'as quand même pas mal de possibilités. Moi j'ai pas été frustré en tout cas par le fait de pas pouvoir grimper sur tel ou tel mur. Moi ça, j'étais plutôt satisfait du gameplay après. Et après au niveau des combats par exemple avec les créatures mécaniques, t'as été impressionné, t'as été. Alors, en fait impressionné, bah pas spécialement, mais ce qui est intéressant en revanche, c'est qu'elles ont toutes en fait des résistances et des points faibles, et tu adaptes en fait ton équipement en fonction du monstre que tu affrontes. Un peu comme dans un donjon de Zelda par exemple. Voilà, c'est par exemple t'en as, ils vont avoir un point faible sur leur dos, d'autres plutôt sur leur torse. Des fois, faut carrément viser la tête pour tuer l'ennemi. Et en fait, tu lances un scan parce qu'il faut savoir c'est que ton Aloy, l'héroïne du jeu, en fait, a un scanner sur son oreille qui permet vraiment de scanner tout ce qui se passe autour, de comprendre les points faibles et les points forts de chaque ennemi. Et en gros, bah, ça te décrit, bah, voilà, résiste au feu, par exemple, ou résiste aux impacts. Et du coup, tu adaptes ton équipement en fonction de ça, et ça te permet d'anéantir l'ennemi plus facilement. Ah, elle a piqué un truc des guerriers Saiyan. Oui! C'est ça, voilà, mais c'est exactement ça, puis c'est que à l'oreille. Il n'y a pas l'œil. Ah, elle n'a pas l'écran. Sinon, un petit peu The Last of Us, quand Joel se baisse et qu'il peut entendre comme ça, sur au moins 10 pièces. Ah, les crackers. Les crackers. Et que tu vois les petits points comme ça qui s'allument, c'est... Sauf que là, c'est justifié, on va dire. Oui. Voilà, elle a un appareil spécifique pour scanner tout ce qui se passe et tu vois vraiment en fait les points forts et points faibles de chaque ennemi. Et grosse question, tu en es à combien d'heures de jeu à peu près ? Alors, faut savoir, c'est que j'ai fini en fait la trame principale. Ah d'accord. Après, en revanche, j'ai pas fait tout ce qui est secondaire parce que bah ça va 2 minutes, mais quand tu passes 10, enfin je ne sais combien d'heures sur une quête secondaire, après je trouve que ça casse un peu le rythme de l'histoire, donc j'ai fait vraiment quelques quêtes secondaires. Mais là, comme ça, de tête, elles sont assez basiques. Et puis généralement, c'est pas forcément hyper intéressant. Ouais. Enfin, des fois, on va te demander d'aller chercher un bout de bois pour une petite vieille pour qu'elle répare sa cabane. Enfin, t'en as un peu rien à foutre. Ça, on en a bouffé. Le côté bonne action, c'est bien. Ouais, voilà. Voilà, c'est le côté BA. Et puis la récompense à la clé est pas forcément c'est nécessaire pour l'avancement du jeu. Allez, c'est parti. Dans l'idée, c'est un peu ça. Donc, c'est des cailloux. Des cailloux. Ah bah oui. Elle t'offre un bonbon à la fin. J'ai fait tout ça, mais putain, ça valait le coup. J'ai c'est eu un bonbon, bonbon. Les gars. Mais en même temps, dans un monde post-apocalyptique, ça se trouve, il n'y a plus beaucoup de bonbons. Et t'es très content d'avoir un bon mec. C'est vrai. Tiens, question au niveau du personnage, c'est l'évolution de ses compétences, c'est quand même, ça reste concret ou si tu t'amuses, je repense à Elder Scrolls par exemple, où tu t'amuses à sauter pendant 3 heures dans un coin. Chopes tes compétences, après tu fais des bonds de 20 mètres. Ouais, non, c'est pas là. Ça. Non, après, au niveau amélioration de compétences, c'est quand même assez large, varié et posé, je veux classique, dire. Oui, après, ça reste du classique, hein. Y a rien d'extraordinaire, d'accord. Mais par exemple, ça peut aller du. Elle peut viser plus longtemps, ou elle peut sauter plus loin pour esquiver un coup, ou son coup final est plus puissant. C'est mais vraiment c'est à base d'XP, en fait. Ouais. C'est de l'XP que tu attribues voilà, comme tu en veux. Fait, c'est points de compétence. Par exemple, après une mission, tu vas, admettons, t'as débloqué 2 points de compétence. Mmh. Bah, ces 2 points, tu les dépenses pour améliorer son endurance, pour améliorer sa visée ou sa puissance dans les frappes. D'accord. Parce que Skyrim, du coup, le principe un peu relou, comme disait Nico, c'est vraiment. C'est plus dans Oblivion. Voilà, Oblivion, c'était poussé à l'extrême. Bah, les deux sont sans doute du même mécanique. Oui, mais je crois qu'ils ont, ils ont abaissé un petit peu ce côté-là dans Skyrim, parce que dans Oblivion, c'était vraiment si tu sautais, si tu maintenais ta touche. Pour mieux sauter, il fallait sauter. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est plus logique, mais en même temps. C'est chiant. Enfin, moi, j'ai l'habitude de toujours faire des roulades ou de sauter quand je me déplace dans les jeux vidéo. Et je me rappelle quand j'avais fait Oblivion, en 3-4 heures de jeu, j'étais déjà quasiment au niveau maximum du saut et je volais, quoi. Coup, je pouvais presque passer les montagnes, quoi. J'ai passé le point où je voulais aller. C'est ça. Retour en arrière. Voilà, voilà. Alors du coup, Max, toi, à quoi tu joues Eh ben, moi, j'ai joué à un jeu en parallèle de Loïc, puisqu'on a eu tous les deux, la possibilité, enfin, moi juste hier, mais pendant 8 heures quand même, de jouer à Mass Effect Andromeda, qui est enfin sorti le 23. Loïc qui a pu y jouer un petit peu en avance. C'est celui qui l'attendait le moins, tu sais. C'est celui qui a le plus joué. En fait, bah, finalement, c'est le gros noob qui joue avant, en fait. J'ai enfilé le code d'Electronic Arts Access. Oui. Parce que moi je voulais découvrir tranquillement, tu vois. Ouais. Bon, au final, la date correspondait. Enfin, j'ai reçu ma commande hier. Du coup, j'étais content. Avec une super photo Facebook au passage. oui. Je... Et du coup, en fait, ce qui en ressort, c'est que je pense que Loïc va être d'accord avec moi. Enfin, on est plutôt mitigé. Je suis assez d'accord. Sur, sur les deux points de vue d'un fan de l'univers de Mass Effect et d'un noob qui découvre la licence, clairement, c'est ça. Et pourquoi tout simplement, pourquoi un joueur lambda, c'est pas vraiment un jeu qui s'adresse à lui, parce que déjà il est estampillé Mass Effect. Mm-hmm. Mais c'est qu'il débarque dans un univers qui est... Bon, je vais reprendre depuis le début. En fait, Mass Effect Andromeda, c'est en parallèle de la série qui s'est terminée sur une trilogie il y a quelques années. C'est un groupe de différentes races qui décident de partir en exploration dans une galaxie voisine. C'est un voyage qui va durer 600 ans. Du coup, ils sont tous en cryostase, etc. Et puis après, ils vont l'explorer et essayer de coloniser cette galaxie. Donc ça se passe 600 ans après la trilogie. Et du coup, ça se base sur les races et l'historique de ces races de Mass Effect. Sauf que le joueur, le novice, il débarque dans ça et on n'explique rien. C'est-à-dire que on ne sait pas quelle est l'histoire de la race, parce que Les races dans Mass Effect, c'est son noyau dur, et leurs relations entre elles sont ce qui forme l'histoire. Et là, Louis, je lui disais, est-ce que tu connais l'histoire des Asari? Est-ce que tu connais les histoires des Turiens? Pas du tout. Pas du tout. Bah alors, tu rates tout l'univers. Et Andromeda ne me l'a pas expliqué. Voilà. Oui, il te explique pas, ou il te dit de temps en temps, fait, ouais, vous avez bombardé votre planète. Tu fais, vous, les Krogan, vous avez bombardé votre planète. Ouais, mais c'est pas du tout ce qui tourne autour de l'histoire de la race. C'est pas ça qui a fait toutes les tensions. Tous les Krogan, c'est super important. C'est, quand même... c'est super important pour l'histoire parce que Mass Effect tourne autour de ça. Et d'un autre côté, on arrive sur quelque chose de totalement nouveau puisque c'est une nouvelle galaxie. Du coup, c'est normal. Mais pourquoi avoir fait presque un jeu Mass Effect? Pourquoi Mass Effect? Parce que déjà, Mass Effect, il faut savoir que dans le jeu de base, c'est une technologie qui a permis le voyage spatial dans cette galaxie-là, la galaxie de base. Et cette technologie-là n'est pas présente dans la galaxie où ils sont. Du coup, Mass Effect... Ouais, c'était plus pour le rattacher, mais effectivement, il n'y a pas les... Je sais plus comment ça s'appelle, Les relais cosmétiques. Voilà, c'est ça. C'est l'espèce de machin qui fait... Et ça, ils ne l'ont pas. Et du coup, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que, pour moi, tu me coupes quand tu veux, hein, Loïc, hein, parce que je sais que... Non, mais vas-y, pour le moment, tu as totalement raison, donc... Et le principal souci de ce jeu-là, c'est les choix. Parce que là, on a des choix multiples pour des dialogues. C'est un RPG, il y a des dialogues. Ouais. Sauf que là, ce ne sont pas des choix. Ce sont des tons employés. Ah, un peu comme Fallout 4. Voilà, exactement. Qui avait pas vraiment de nuance dans le propos, mais plus dans la façon de le dire. Voilà en fait, finalement, ouais, je me permets de rebondir là-dessus. C'est que finalement, en fait, c'est vraiment, en gros, le choix entre une réponse, on va dire, entre guillemets, sentimentale ou une réponse logique. Mais au final, la conclusion de ce que tu dis, ça revient au même. Le changement est vraiment très minime, voire inexistant. Inexistant, on verra pas. Et le choix, t'as l'impression qu'il est là pour meubler le scénario, quoi. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'impact direct sur ce que tu décides, je trouve. J'ai vraiment eu qu'en 8 heures de jeu, peut-être deux petites quêtes annexes avec un choix à faire, entre guillemets, mais qui est très minime et qui, sur l'apparence même de la conclusion de la quête, ne change rien. Et du coup, c'est très problématique parce que c'est là que tu te rends compte que Mass Effect, de base, la trilogie, était assez binaire dans ses choix, etc. Mais il y avait des réelles conséquences, des réelles combinaisons possibles. C'était assez linéaire, mais il y avait des combinaisons possibles. Là, il n'y en a pas. Et ce qui est moins 8 heures, le problème, c'est que je suis un fan. Et là, je me dis, pourquoi j'y rejouerai? Ah oui, carrément. Mais par contre, il a quand même des qualités, ce jeu. C'est que tout n'est pas acheté du tout. C'est qu'il laisse vraiment une impression de... j'ai pas l'impression de jouer à Mass Effect. Pas un Mass Effect mature. C'est tout neuf, d'accord. On est dans une nouvelle galaxie, ça peut s'expliquer. Mais il y a plein de... On va dire que ce qu'il impose, c'est-à-dire un pseudo monde ouvert de temps en temps, de l'exploration, des combats, etc. Tu dis, s'il y a un deuxième épisode, ça peut être cool. Si, par contre, ils prennent les retours de la communauté... Parce que les choix, ça passe pas. Le background, on aurait voulu plus. Il y a même une petite anecdote. J'ai un pote qui joue, qui est très fan aussi. Il dit, il y a même des incohérences. Comme dans tous les RPG, il y a des trucs à lire de temps en temps. Et par exemple, tu lis une note d'une personne qui dit, voilà, je me suis réveillé, ma sœur est restée sur Terre. J'espère qu'elle va bien. c'était pas une blague, mais t'es quand même parti. Ça fait 6 ans. Ça fait quand même 600 ans. Ta sœur, elle est morte, elle est re-remorte, elle est devenue poussière. Il y a même un arbre qui est poussé. T'en as fait des meubles Ikea, quoi. Des fois même le soir, tu manges sur ta sœur sans le savoir, quoi. C'est le principe de la réincarnation. Et oui. Voilà. J'espère que son meuble Ikea est beau. Et du coup, ça exprime bien une sorte de non-maîtrise. Tu vois, et c'est ce qui est dommage, parce que les jeux BioWare, c'était justement une bonne maîtrise de l'univers et c'était une cohérence et surtout un background assez chargé. Là, le problème, c'est qu'ils ont tout à construire. Mais comme disait Loïc, il avait l'impression de voir autre chose, d'autres références. Moi, j'avais l'impression des décors, Halo 5, quoi. Tu vois, et plus Mass Effect. Et même, je suis allé plus loin que toi, c'est qu'il y a des fois, j'avais l'impression, par exemple, quand t'es dans le vaisseau, je sais pas pourquoi, hein, je suis peut-être le seul à penser ça, j'ai pensé à Star Trek. Non, mais ça, c'est, comme je te dis, ça fait partie de l'héritage de Mass Effect. Mass Effect est très inspiré de Star Trek. Et au niveau... parce que c'est sphérique dans l'habitacle du commandant. Je pense que c'est ça, effectivement. Il y a un petit clin d'œil volontaire. Et aussi, par exemple, pour le gameplay arme en main, j'ai pensé à Gears of War. Ah mais ça c'est totalement c'est des bases. J'ai pas fait les Gears of War, mais c'est vrai c'est que c'est un TPS, t'as des armes dans le dos, etc. Oui, oui. Mais quand c'est apparu, c'était typiquement, c'est un héritage. Voilà, tu puis vois, côté positionnement de la caméra, surtout d'épaule, un peu sur le côté. Enfin, c'est vraiment un peu à la Gears of War. D'ailleurs, cette caméra épaule, elle est beaucoup trop resserrée, je trouve, pendant les combats. Oui, ça. Mais ça c'était un problème déjà dans le 1, il y avait eu un peu ce problème. Moi, c'est vrai que ça me gênait. Ah d'accord. C'est parce que moi des fois je disais dézoom. Mais non, mais je suis pas en train de zoomer là. C'est ça. Par contre les combats sont, moi je les trouve très dynamiques, très péchus. Les animations du personnage sont vraiment bonnes. T'es vraiment souple dans ta façon de faire. Et par contre, du coup toi tu t'as pas pu connaître, mais les compétences etc. Toutes les classes sont disponibles en fait pendant le jeu. C'est-à-dire que tu peux mettre tes points un peu partout dans les différentes classes et les changer à foison si tu veux sans limitation en fait. Et c'est dommage, mais quelque part pour moi c'est un indicateur quand même du fait qu'ils veulent que le joueur le fasse qu'une seule fois le jeu en fin de compte. Oui, parce que c'était ça qui était marrant avant, c'était commencer soldat et puis justement réessayer plus tard avec une autre classe. Mais là tu fais c'est ce qui faisait aussi tout le charme de Jade Empire de BioWare, un de leurs premiers jeux. Très très bon jeu d'ailleurs. Très très bon jeu. Je l'avais sur Xbox. voilà. C'est une anecdote. Et du coup, bon RPG, quoi. Oui, mais je veux dire, là, il y avait vraiment un aspect de classe, de personnage, et un personnage par classe, et du coup, ça nous donnait envie de recommencer et recommencer. Exactement. Et c'était un jeu plus court aussi, parce que c'est vrai que les Mass Effect, je me souviens plus trop, mais je sais que le 3, j'y ai passé quand même quelques... J'ai dû y passer une centaine d'heures, je pense. Ah ouais, t'as traîné. Oui, j'aime bien faire les petites quêtes secondaires. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je le connais très bien, etc. Je mets 50 heures même en prenant mon temps, tu vois. Ouais. Du coup... j'ai vraiment traîné. Ouais. Mais il était généreux, là, apparemment, c'est plus court quand même. Ouais. Et les quêtes font très MMO, du coup, à mon avis, on s'y attarde pas. Il y a plein de choses bien. Le jeu est super beau. Je sais pas toi, Loïc, mais la première fois qu'on va sur une planète. Il était sur Horizon Dawn avant. Alors, par contre, oui, c'est ça. C'est que, en fait, bon, après, sur je suis peut-être Horizon pas très objectif, mais pour de passer d'Horizon à Mass Effect est un peu moins bien fait. Par contre, je reconnais que les décors sont magnifiques. Techniquement, il est moins impressionnant que Zero Dawn. On est bien d'accord. Largement, oui. Après, c'est mon point de vue. Hein. Mais par contre, le gros point noir, je trouve plutôt de Mass Effect, c'est quand même l'animation faciale des personnages, qui pour ma part. Il y a énormément de critiques là-dessus. Franchement, elle est complètement bâclée en fait, pour être franc. Elle est rigide, mais franchement, tout le buzz qu'il y a, le bad buzz qu'il y a eu par rapport à ça, il ne le mérite pas. C'est rigide. Ouais. C'est pas catastrophique. Déjà, la première trilogie était au niveau des animations faciales, si on le regarde avec le recul et quelques années de recul, c'était pas si fou que ça. Mais pour le coup, pour rejoindre quand même Loïc, parce que c'est vrai que c'est à nuancer, ce truc, c'est pas si pire que ça, tu vois. Ouais. Mais ils auraient pu pour faire les expressions, t'as l'impression que Mass Effect 3 s'en sort mieux. Ah d'accord, ok. C'est vraiment... T'as un très beau visage. T'as un très beau visage, ouais. Par exemple, d'une Asari, c'est très bleu, c'est très bien fait. Et pourtant, quand elle parle, peu importe ce qu'elle dit, t'as l'impression qu'elle a le même sentiment. D'accord. Voilà, ouais. Donc on va dire un peu de problème de... pour rendre les émotions et les choses comme ça. On a l'impression qu'ils ont un peu sorti le jeu trop vite. Ouais, encore... Ça a été pas trop vite, parce que la durée était ce qu'elle est, mais difficile. Tu sens que ça a été ils difficile. Ils auraient pu peaufiner davantage les animations visage, en fait. Surtout que c'est quelque chose qui se fait avec le temps, et qui est rattrapable, on va dire. Là, en tout cas, c'est mal parti. Ah, plus maintenant, mais je veux dire, avant la sortie du jeu, c'est quelque chose, si on se donne un peu de temps, c'est rattrapable pour, on va dire... pas un budget minime, parce que ça prend quand même une bonne part du budget, mais c'est réglable, quoi. C'est pas... Mais en tout cas, c'est pas... si c'est un petit point, comment dire, un point négatif, c'est pas un truc que tu prends en compte tout le long du jeu. Tu vois, ouais. C'est vraiment... Là, franchement, les joueurs, pour le coup, ceux surtout qui ont été agressifs envers les développeurs, ça valait pas le coup, quoi. D'accord. Surtout si le jeu est pas mauvais au final, tu peux pardonner une animation moyenne, de visage moyenne, on va dire, si le jeu à côté est bon, ça se pardonne, quoi. Bah, il est bien, mais il est pas... Il est pas Mass Effect, enfin il est pas au niveau de... Il est pas Mass Effect, non, mais là je suis qu'à 8 heures, mais je pense que déjà 8 heures ou 10 heures pour Loïc, on a une... Bah une moi en tout cas, d'un point de vue de noob, pour Mass Effect, j'ai une impression vraiment mitigée en fait, c'est que... aussi vu toute la hype qu'il y avait autour du jeu et... Bah, je pense que c'est ça, parce que j'ai conscience que c'est un jeu très attendu par beaucoup de fans. Mm-hmm. Donc je me dis, ils ont dû mettre le paquet, c'est un gros jeu AAA, hyper attendu. Puis finalement, tu y joues, il est juste moyen, quoi. Mm-hmm. Il est plaisant, mais c'est pas non plus la folie. Il est plaisant, mais par exemple, ça m'a pas donné envie de l'acheter, quoi. Ouais. Bah, je comprends, mais tu vois, je t'inviterais à t'attarder sur la série originale, tu vois. Même si, par exemple, les deux, le 1 et le 2 ont eu des défauts de vieillesse quelque part, une rigidité, etc., qui sont présents, tu te rends compte de la portée de Mass Effect. Ouais. Et quand tu relances Mass Effect Andromeda, tu fais « D'accord, je comprends. » Mais c'est vrai que le 1 a vieilli. Enfin, surtout le 1, je trouve qu'il a pas mal vieilli. Surtout parce que on peut, avec le... Je sais plus comment il s'appelle, le petit vaisseau... Mako. Le Mako, voilà. On peut aller sur des planètes et que c'était vraiment les balbutiements du graphisme comme ça. Qui pourrait être... vide. C'était vide. C'était de la texture étalée, dégueulasse de partout. Mais il y avait le côté « on explore ». Et le côté... Sur le coup, là, Mass Effect Andromeda le fait bien. Oui. Et ça, c'est cool. Il y a à nouveau un Mako, il y a de l'exploration. Ouais, un Mako, c'est pas un Mako, c'est le nomade, mais c'est pareil. Dans le principe, c'est exactement pareil. Mais c'est là que tu vois que de Mass Effect 1 à Mass Effect 2, il y a des choses qu'ils ont oubliées. Mm. Parce qu'ils ont écouté la communauté. Ouais. Et là, du coup, ils ont refait un Mako, entre guillemets, mais tu vois qu'ils ont écouté la communauté. Parce que ça, c'est... Le Mako est plutôt bien fait. Oui. Et du coup, là, ce qu'il faut, c'est que Mass Effect Andromeda 2, s'il y en a un, faut qu'ils vraiment ils prennent en retour les joueurs, parce que moi je n'accrocherai pas. Ouais. Tu vois, je... Mais surtout que, Loïc n'a pas connu le Mako, mais quand tu connais le Mako, tu vois à peu près ce que ça peut donner, des savonnettes sur de la glace, sans pesanteur. Je pense que ça doit pas mal glisser. Tu vois, ça glisse et ça vole. Ça rebondit partout. Ça rebondit, ça se retourne, ça rebondit, t'arrives pas à viser, mais t'as des phases de shoot quand même. C'est très particulier. Un jeu dans le jeu, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est à celui qui arrivera. Le jeu de la savonnette, mais là, c'était pas sous la douche, c'est sur de la glace. Malheureusement, c'est un peu décevant. Faites pas tomber le Mako. C'est qui a fait tomber le Mako? Ça, c'est marrant, ça, toujours des jeux dans le jeu, quoi. C'est comme, moi, je me rappelle à l'époque avec Final Fantasy VII, où à un moment donné, t'avais beau faire la quête, aller jusqu'au bout, d'aller tuer Sephiroth. Non, en fait, t'allais passer plus de 10 heures à t'amuser à faire de l'élevage de chocobo et des courses de chocobo. C'est un peu comme ce qu'on parle, ce dont dont on parlait le mois dernier à propos de moi, c'est vrai que j'ai le souvenir de GTA où alors au bout d'un moment nous on était trop faibles pour la quête principale, alors on se disait merde, on prenait tous les codes, on les validait tous ensemble et puis allez, celui qui tient le plus longtemps. Et c'est vrai que le jeu dans le jeu, ça pourrait être le sujet d'une prochaine chronique. C'est vrai que c'est. Il y a l'idée, Fanny, il y a l'idée. Oui, note, c'est vrai. Mais le pire, c'est si le jeu dans le jeu est meilleur que le jeu en lui-même. Mais oui. C'est comme il y a certains jeux avec des temps de chargement qui sont beaucoup plus drôles que le jeu en lui-même. Qu'est-ce qu'il y avait ? Ça donne des idées de spin-off pour la suite. Il faudrait étudier ça. Mako Story. Mako Story. Mass Effect Mako Story. L'histoire d'un Mako. Il y a eu un jeu. Non, je sais pas. Je voulais pas dire tuerie, mais j'ai cru qu'il y avait un jeu mobile avec. Non, mais c'est pas Mako, mais j'ai cru qu'il y avait d'exploration, je sais pas quoi, Mass Effect. Un petit peu comme dans GTA V avec le petit jeu mobile sur lequel tu pouvais promener ton chien ou je sais pas quoi. Je sais pas. Pour de vrai. J'avais ma coloc qui allait. Julie. Enfin, oui, private joke, hein. Mais qui, elle, avait le jeu et qui, du coup, passait sa journée à sortir avec le chien. Et elle revenait le soir et elle me faisait « Eh, regarde, il s'est baladé, j'ai des points en plus maintenant !» Après, oui. Si tu joues à GTA V pour promener un chien, t'as pas vraiment compris le concept du jeu. Mais au moins, t'as pas à le sortir pisser, quoi. Voilà. Le Tamagotchi du geek, là, du vrai geek. Et du coup, je vais enchaîner un petit peu sur moi, hein. Ah bah vas-y. Parce que personne ne m'écoute, moi, de ce à quoi je joue en ce moment. On peut couper le micro. Et au fait, Fanny, à quoi joues-tu ? Merci. À Mass Effect Andromeda. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous parler d'un petit jeu que personne ne connaît, Mass Effect Andromeda. Non, en ce moment, je sais pas ce que j'ai depuis que j'ai commencé cette émission. J'ai l'impression de toujours parler de petits jeux indés. Voilà, c'est ça. Et j'en parlais l'autre jour avec mon colocataire, je disais, je devais paraître pour la meuf chiante, tu sais, la hipster, oui, non, moi, je joue qu'à des petits jeux indés. Hipster du jeu vidéo. Petit jeu indé, vous savez, fait comme ça, dans un petit garage, je trouve que ça a plus de saveur que c'est. On met des œufs dans le jeu. Triple A, so school. Ah ouais, non, mais c'est. Ça se bine. C'est so 2017, quoi. C'est bref. Quoi, c'est encore un truc avec un espèce de lapin qui vole ou pas? Non. Non. Ah, oh, ça va. Non, pas encore. Non, un souvenir d'un autour d'elle quand t'as fait du gaming. Oula. Un lapin qui vole. Ah oui, j'avais parlé de Ori and the Blind Forest. Voilà. Oui, c'est vrai. Jeu indé aussi au passage. Oh, jeu indé. Attendez, mais là, ouais, mais on parle d'un super bon jeu quand même. Bah oui. Voilà. Mais je parle toujours de super bon jeu. Moi, je voyais les lapins crétins là. Ah non. Et bientôt Flappy Bird. Hein. C'est pas de l'indé, ça. C'est vrai. Mais Ori and the Blind Forest n'est plus indé d'ailleurs parce qu'il a été racheté. Je sais plus si c'est par Ubisoft ou par Microsoft. Ah bah, il me semble que c'est Microsoft parce que si je dis pas de bêtises. Il est dispo en exclusivité sur Xbox One et PC. C'est ce que je me disais, sous Windows 10, PC, donc Windows 10. Il a été racheté et les fonds auraient été injectés dans le truc, donc c'est plus vraiment un petit jeu indé. Mais bon. Mais de quoi voulais-tu parler du coup? Eh ben, je voulais parler d'un petit jeu indé en ce moment. Je joue à Happy Dew Valley. J'en ai fait une chronique sur mon site, je passerai peut-être le lien. Mais en gros, c'est un petit jeu très basique de farming. J'ai comparé ça avec Farmville mais sans amis. T'as pas besoin d'avoir des amis. C'est en gros tu travailles dans une grande entreprise qui s'appelle Joja, qui ressemble étrangement à Jojac. Google. Joja, ça serait beaucoup plus marrant. Et du coup notre grand-père qui est mourant nous dit va prendre soin de ma ferme. Alors du coup, on y va et on doit comme ça un petit peu réinjecter des fonds dans la ferme, la faire grandir, faire. Il y a un cycle de saisons sur lesquels pendant 30 jours on doit faire des plantations, etc. Et en fait, ça se joue très bien parce que c'est le genre de jeu qui est en fait rythmé par des journées. C'est-à-dire qu'on commence une journée et ça sauvegarde qu'à la fin de la journée. Donc c'est-à-dire que si tu y joues, tu dois jouer toute la journée, qui dure à peu près, on va dire 24 heures, 15 minutes, mais 24 heures, tu ne peux pas t'arrêter de jouer. Et du coup, voilà, c'est très rythmé comme ça, et moi j'aime bien y jouer juste avant d'aller au travail, parce que le temps que ma bouffe cuise pour que je mange et que j'aille au travail, et ben c'est parfaitement le temps d'une partie, et c'est très addictif comme ça, parce qu'on se donne des petits objectifs comme ça par jour. C'est très sympa, ça coûte quelque chose, je crois que c'est un peu moins de 14 euros. Et quand même. Ouais, Ouais, ah, ah oui, oui, oui, c'est un jeu indé, mais c'est quand même un jeu. Pour les hipsters, quoi. Voilà, c'est ça. C'est, ça. C'est que t'as le coup du, voilà, c'est le ça, coup c'est du famille, swag ça, tu dedans, tu vois. Par contre, il y a un truc qui m'interpelle, c'est quand tu dis au début que le grand-père te dit en gros, prends soin de ma ferme. Est-ce que t'as le gros cliché de au moment il va te dire comment faire, il meurt? Non, non, non, il est même pas mort. C'est, ça aurait été très beau, je, ça m'aurait beaucoup fait rire. Mais non, non, mais c'est. Non, non, non, il meurt pas. Mais je crois que là, j'en suis à peu près à ma troisième saison. Et la finalité? Et du la coup, finalité. Comme tu parles de saison, c'est... Ben justement, c'est que t'as pas de limite de temps. C'est-à-dire que tu dois prospérer. Point. Mais il y a une récompense derrière. Enfin, ah oui, toutes les saisons. Toutes les saisons, t'as des t'achètes récompenses. Un tracteur. Tu voilà, veux... c'est ça. Là, je suis à peu près, je crois, à 15 heures de jeu. Tu peux. Moi, j'ai déjà une ferme. J'ai une grange. Un endroit où je mets les poules, un poulailler. Et en fait, je me suis pris d'affection pour mes poules. À la base, j'étais partie. Je me suis dit, ouais, je vais faire pousser de la, des. La bœuf. Et ben, pas loin du houblon. Du houblon. Je m'étais dit, je vais faire pousser du houblon. Comme ça, je pourrais faire de la bière. Finalement, 15 heures de jeu plus tard, j'ai toujours pas de ferme à bière. Mais, j'ai un poulailler, une grange, etc. Et c'est quoi l'attrait par rapport à tous ces jeux de farm? Mais c'est que c'est beaucoup moins, prétentieux. C'est-à-dire que c'est tu te prends moins la tête, c'est que tu fais 15 minutes, comme tu pourras en faire 20, comme tu pourras en faire, etc. Mais t'as pas de, déjà, t'as pas de scoring en ligne, t'as pas de, d'achievement, t'as pas de comparaison, etc. Et t'as pas besoin d'avoir d'amis, surtout, t'as des poules. Voilà, c'est ça. Oh, c'est bien. Des poules qui sont mignons. Et en plus, c'est en pixel art, histoire de rajouter un petit peu le côté hipster. C'est par-dessus. C'est en 2D isométrique. Ouais, bon, c'est un mixte. Ouais, voilà, okay, c'est ça, d'accord. C'est. Voilà, et du coup, ah, oui, c'est beaucoup joli, moins... Alors. Oui, c'est... moi, j'aime bien, c'est... Et puis, tu choisis ton skin, etc. T'as une trentaine de personnes dans le petit village, et ils ont tous leur petit caractère, ils ont tous leur petite quête à te donner. Ah, t'es pas toute seule. Ah non, non, sinon, je me ferais chier. C'est pas que ta ferme, c'est un... Non, non, non, c'est un petit village où tu vas acheter des graines, tu vas... Puis, il y a aussi une mine dans laquelle tu peux miner pour avoir... C'est un SimCity-like, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, mais tu peux faire un nombre de trucs assez hallucinants. Tu peux aller faire des quêtes, tu peux... Enfin, vraiment plein de trucs. Et c'est pas prise de tête, ça se joue très facilement. Et voilà. Et il faudrait vraiment, vraiment que je parle d'un triple A un jour parce que je suis en train de me faire une réputation là. Mais c'est sur quelle plateforme du coup? Parce que ça a l'air intéressant quand même. Alors, c'est sur. Tu peux l'avoir sur Steam et je crois qu'il est aussi sur PS4. Voilà. D'accord, ok. Quand et il, je crois qu'il est moins cher sur Steam et qu'il est. Qu'il est disponible en bundle avec un autre jeu pour à peu près le même prix. J'ai pas regardé exactement, mais je mettrai les infos sur la page. Donc voilà. Et toi, tu joues sur PC ou PS4? T'as fait quelle version, toi? Moi, pour raconter un peu ma vie, ma PS4 est chez une amie parce que je joue à la PS4 avec elle et plus toute seule. Et du coup, elle est chez une amie et moi, je me retrouve avec mon PC. Donc, j'y joue sur PC. J'ai pas un PC de fou. Mais là, ça tourne, quoi. Voilà, ça tourne très très bien, quoi. C'est pour ça qu'elle prend les jeux indés. Voilà, c'est pour ça. Mais mine de rien. Sinon, pour le triple A, c'est foutu. C'est ça. La carte graphique, sinon, elle peut pas faire. Bah oui, s'il vous plaît. Mais là, j'ai installé The Guild 2, qui est quand même un jeu assez ancien. Là, ils vont bientôt sortir The Guild 3. Et ça fait ramer mon PC. Voilà. J'ai dit, ok, je reste sur les petits jeux. Là, tu prends le graphisme le plus bas possible. C'est donc ça. Le pixel, en voilà, fait. Tu as un très pixel. Low definition. Voilà. Où tu vois l'aliasing, mais vraiment des effets d'escalier. De... Magnifique. Alors, on va faire une petite pause musicale avec Seven Nation Army, un remix de The White Glitch, c'est ça? Ouais, tiré, on l'a beaucoup vu dans la bande-annonce, le trailer de Battlefield 1 avant sa sortie. Et du coup, c'est un avis qui a aussi marqué son coup de com et qui a fait qu'il est passé devant Call of Duty à ce moment-là. Voilà, et c'est proposé par Max, je vous le donne dans le mille. Allez, c'est à nous, à tout de suite. unique, authentique, équipe atypique. RMG, l'aventure Radio Malherbe Grenoble, c'est en direct chaque jour. Unique, authentique, équipe atypique. La première web radio de la région sur www.rmg38.net. RMG. Et bonjour à tous, rebonjour à tous, rebonjour à toutes. Vous êtes toujours sur RMG Gaming, l'émission qui te parle à ton point G du gaming. Voilà, voilà. Je suis toujours en compagnie de Loïc. Rebonjour Loïc. Rebonjour Fanny. Ça faisait longtemps. C'est vrai, ça manquait, dis donc. tu m'as manqué quoi aussi. Quoi de beau depuis ces 5 minutes? Oh bah, il s'est passé plein de trucs, mais on n'en parlera pas. C'est vrai, t'as raison. Vaut mieux. Salut Max. Et rebonsoir. Et rebonsoir. Alors bonsoir Max. Et bonsoir Fanny. Alors, bon, je vous jure, on a dit que c'est après l'émission. Voilà, je vous jure qu'on n'a pas bu de Ricard. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est pas l'heure de l'apéro. Et nous avons aussi Nikos, le génial, génialissime réalisateur. Toujours là. Toujours là. Toujours derrière son petit micro, qui nous regarde et qui nous juge. Je sens qu'il nous juge. Bah, le pire, c'est que j'ai pris un carnet de notes et donc je prends des notes. Voilà, c'est ça. Alors, Fanny, arrête de parler, tu fais chier. Voilà, c'est ça. Arrête de parler de tes jeux indés. Non. Oui, c'est ça. Non, c'est t'en ça. Fais pas, ta fin est c'est proche. C'est sa liste de courses, voilà. Je le vois bien. Non, la fin de Fanny est bientôt... Bon, ça va être encore quelques années, mais ça va être dégueulasse comment tu finis. Hein. Ça m'étonne pas de moi, tu vois. Fais ton Death Note. Mais alors, pourquoi sur ta liste de courses, il y a écrit de la vaseline? C'est ça. Non. Alors, du coup... c'est pour après l'émission. Ah. Alors, on va tout de suite passer à notre dossier, notre gros dossier du jour. Hein. Notre dossier sur les films tirés de jeux vidéo. Qui veut donner son avis sur cet amour contre nature entre les jeux et les films? Eh ben, écoutez, j'en sens un qui se tortille là-bas. Je me tortille. Vas-y, Max. Vous ne me voyez pas puisque c'est de la radio. Alors, on s'en fout. Alors, comment vous dire, c'est pas un avis qui est totalement catégorique, c'est vrai que les m'embrouille pas. Les films tirés de jeux vidéo n'ont jamais eu une très bonne réputation, surtout auprès des joueurs. Ouais. Après, les autres, on s'en fout. Les cinéphiles aussi, mais bon. Tiens, d'ailleurs, je viens de penser à un titre de film que j'avais pas marqué. Je en parlerai tout à l'heure. Moi, je pense que la principale erreur que l'on peut faire en adaptant un film, en adaptant un jeu vidéo en film, c'est que souvent, il y a des jeux qui sont basés essentiellement sur leur gameplay, plus que sur leur histoire. Leur histoire, c'est pas un problème. On peut la pousser grâce au cinéma. On peut faire quelque chose de mature, de très sensé, ou bien la déglinguer. Mais ça, c'est comme toute œuvre. Mais c'est surtout qu'il y a des jeux qui se basent essentiellement sur un gameplay et que, sous prétexte que ça marche bien, les éditeurs, les studios de films, Hollywood, etc., s'obstinent à nous proposer des retranscriptions cinématographiques sur quelque chose que l'on ne joue pas, donc qu'il n'y a pas de gameplay. Ouais. Y a bien des exceptions qui pourraient marcher, mais essentiellement ça ne marche pas. C'est comme si on imaginait un film Mirror's Edge, par exemple. Mirror's Edge ou par exemple même Assassin's Creed, ça me tue de le dire, mais Assassin's Creed, y a quand même un gameplay avant derrière. Avant tout, c'est un gameplay. C'est un gameplay. Un gameplay entre guillemets, parce que bon, il se répète quand même pas mal, mais on va dire qu'il y a une sensation de parcours. On est d'accord que on voit aussi des vidéos de parcours sur Internet, c'est très grisant, etc. Bon, d'accord, c'est impressionnant, mais le parcours, tu le vis dans Assassin's Creed. Là, tu ne fais rien. Alors, au bout d'un moment, tu dis bon, je vais voir sur YouTube, par exemple. Mais c'est qu'un exemple parti d'une tant d'autres. Je dis pas que le film en soi que Loïc a vu et qu'il en a parlé lors de la dernière mission est mauvaise, mais par exemple. Le premier exemple que je peux donner, c'est il y a eu un film Super Mario Smash Bros, etc. sorti en 93. Oula oui. D'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder une émission de Karim Debbage qui s'appelait Crost, qui passait sur jeuxvideo.com et il parlait qui de est génial, film, ouais. qui est vraiment pas mal. Mais il a continué en chroma maintenant, qui est toujours aussi bien. Et qui parle essentiellement du coup que de cinéma. Que de cinéma, mais Crost, c'était justement ce dont on est en train de parler. Exactement. Voilà. Et c'était bien. Et c'était vachement bien. Et du coup, je vous invite à aller le voir. Et Mario est typiquement le genre de jeu qui est basé sur un gameplay. Qui se vit. qui se vit, qui est visuellement, le gameplay est visuel, les tortues, les machins, enfin tout est, l'histoire on s'en fout, c'est toujours la même, tu vois, c'est un prétexte au gameplay. Et par exemple, et il y a aussi par exemple Tetris ou Pac-Man adapté dans Pixels en 2015, je l'ai pas vu, mais honnêtement j'irai pas le voir. Vaut peut-être mieux pas. Ce sera difficile de faire pire que le film Mario quand même. Je pense que là on atteint un summum de oui, de et puis de n'importe quoi. De n'importe quoi, parce que du coup, j'avais regardé le film, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, mais, et que j'avais pas encore toute cette culture geek, etc. Mais déjà, le film est un mauvais film en soi. Ouais. Et c'est une mauvaise adaptation, et c'est à jeter, parce qu'il n'y a absolument aucune cohérence, etc. Après, c'est comme il y a certains films, par exemple, qui essayent d'être trop généreux, comme de faire trop plaisir. Aux gamers. Le fan service, c'est le problème de tous les jeux. Je crois qu'il y a eu deux films Street Fighter où on est super content. T'aimes pas Jean-Claude Van Damme ? Mais j'adore Jean-Claude Van Damme. C'est mon maître à penser. Mais c'est que c'est tellement généreux que il te balance des noms de personnages à tire-larigot, que l'histoire des jeux de combat est connue. Pour être merdique de base, c'est jamais des trucs très fouillés, c'est jamais des trucs très très fous. Enfin, je veux dire, moi j'ai été élevée à Dead or Alive pour vous donner une idée de jeu de combat avec une histoire palpitante. Et Dead or Alive avec deux histoires. Voilà, ouais, c'est ça. Surtout, on a retenu deux belles grosses histoires. Et une adaptation pas assez en film qui relevait le niveau de Street Fighter, par contre. Ah oui, bien sûr, mais qui était, du coup, beaucoup plus fidèle. Et bon, Eric Roberts, quand même, dedans. Hein. Mais le truc de ces films-là, comme tu dis, c'est que... Enfin, ces films, ces jeux, enfin, l'histoire n'est pas folle, mais maintenant, les jeux de combat comme ça, ils le savent. Oui. Et ils en jouent, alors que les films... J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas cette espèce de... De second degré complète. Et qu'ils essayent de à la fois plaire... aux joueurs qui selon eux sont des espèces d'ados boutonneux d'à peu près 14 à 20 ans qui a jamais touché une fille et qui s'appelle Kevin et qui s'appelle Kevin. On aime bien les clichés sur les Kevin, voilà, hein. Kevin, et si tu nous écoutes, voilà, toi, désolé, Kevin, des associations SOS racisme, mais excusez-moi, et du coup voilà, c'est que j'ai l'impression que les gens qui font ces films, en grande majorité, ne sont pas des gamers. Et du coup, ne savent pas ce qu'on peut expérimenter en tant que gamer et ce qu'on peut chercher en tant que gamer dans un jeu. Après, je pense que ça dépend du film. Hein, parce bien que sûr. Tu prends l'exemple d'Assassin's Creed, c'est fait directement par Ubisoft, qui eux-mêmes sont des gamers, qui eux-mêmes ont joué à leur propre jeu. Bien sûr. Donc bien après, sûr. C'est pas pour mettre. Je parle plus des anciens jeux où justement cette tu image. Tu peux même était... voir les jeux de maintenant, hein, t'inquiète pas. Les anciens films, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Les films de maintenant, nous démontrent pas le contraire spécialement. Un peu comme après, Prince c'est of vrai Persia. Que... Oui, Prince of Persia qui s'est vachement bien démarqué quand on parle. Tu parlais de Street Fighter qui est même classé catégorie B, nanar, hein, pour le 1, le 2, je crois que c'est pareil. Dead or Alive qui a relevé le niveau parce qu'ils ont quand même conservé quand même l'esprit du jeu. Exactement. On a tout le tournoi, les combats, tout ça, donc c'était quand même raccord. Et on a toujours les boobs. Oui, et surtout ça. Surtout les boobs, c'est surtout plus important. Mais par contre, c'est vrai que Prince of Persia, on retrouve vraiment l'ambiance du jeu. En fait, je dirais même. L'ambiance du jeu presque originelle quand c'était sur Apple II à l'époque. Hein. Donc, oui, oula, oui, moi j'ai pas connu. Je n'étais pas né non plus. Mais c'est vrai que ce qui était bien avec Prince of Persia, c'est que déjà il y avait une histoire dense dans l'univers de Prince of Persia. L'histoire se suffit à elle-même. T'as pas besoin d'avoir forcément un gameplay à côté. Ah oui. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est ce qui fait un peu cette différence avec Assassin's Creed, qui ont un peu, on va dire, le même profil de joueur, le même profil de pas de gameplay, mais d'univers. Mais qui Assassin's Creed, c'est un jeu qui se joue vachement plus, alors que Prince of Persia, c'est un jeu dans lequel on s'immerge plus qu'autre chose. Mais là, par rapport au studio, par exemple, Assassin's Creed a été fait Ubisoft, enfin, ils ont chapeauté un peu le truc. Je pense que maintenant, on a quand même des bases cinématographiques qui nous permettent de faire quelque chose qui tient debout, mais qui, du coup... ne se démarque pas plus des autres blockbusters, etc. C'est un truc commercial, quoi. C'est comme ça que je le vois. J'ai pas vu pour juger réellement. Je dis pas que c'est un étron Assassin's Creed. Je le ressens pas comme ça d'après ce que j'ai vu, mais je le vois pas comme un. je le vois comme une opportunité commerciale. Mmh. Et Prince of Persia, pareil, oui, Disney et compagnie, quand j'ai vu les affiches et machin, c'est une opportunité plus qu'un chef-d'œuvre. Ils font pas de parti pris, il n'y a pas de réel, on va dire, de réelle mise en scène particulière, sauf pour, et j'en parlais tout à l'heure lors de la pause, mais il y a un film tiré d'un jeu vidéo qui s'en sort vraiment pas mal, et c'est peut-être parce que j'ai une affection particulière pour le jeu de base, c'est Silent Hill, qui a été réalisé par Christopher Gans, qui est un réalisateur français de genre, donc c'est vraiment pas le genre de type qu'on s'attendrait sur un aussi gros projet, etc. Et qui n'est pas 100% fidèle au jeu, qui mixe un peu le 1, le 2, mais qui arrive à retranscrire quand même l'ambiance stressante du jeu. Il a fait, moi de ce que j'ai vu par rapport à Karim Debbache, etc., moi ce que je ressens de ce film-là, c'est qu'il a, c'est un mérite, entre guillemets, tenter et d'adapter. Mmh. Et c'est ça la grosse différence avec une retranscription on prend un nom et on l'étale, tu vois, ça sert à, c'est pas comme ça que ça marche. Exactement. Là ils ont justement bien utilisé les codes du cinéma pour rendre l'ambiance du film. Par exemple, c'est connu que à Silent Hill il neige de la cendre, en fait. Et surtout quand le monde passe du monde normal au monde alterné. Et en fait, à un moment dans le film, on voit la meuf qui d'ailleurs est la chanteuse des chansons de tous les Silent Hill. C'est d'ailleurs Marie-Elisabeth Non, je ne pense pas. C'est volontaire, je pense aussi. Et qui du coup s'étale sur les doigts la neige. Donc, et on voit que c'est de la cendre. Et c'est tout con. Mais il n'y a aucun... Il n'y a aucun appel de pied ou de coude à celui qui a regardé qui a joué au jeu pour lui dire regarde, c'est comme dans le jeu, regarde, c'est de la cendre, de la neige, c'est de la cendre. Il l'amène naturellement. Voilà, et il n'y a même aucune ligne de dialogue, c'est-à-dire que si tu ne sais pas que dans le jeu c'est ça, et si tu atterris juste dans le film comme ça, et ben tu vas te dire oh, c'est un parti pris intéressant. Ça veut dire que le film pris en tant que tel se suffit à lui-même. Exactement. Et c'est ça qui est... J'ai pas vu le 3. Enfin, le Silent Hill 2 qui est adapté du Silent Hill 3, le jeu. Là, ça devient compliqué. Rien comprendre. Mais en tout cas, le 1 fait vraiment cet office. Et par contre, la grosse erreur, mais ça, je pourrais en faire une chronique entière, c'est l'utilisation de Pyramid Head, qui normalement est lié au personnage dans le 2 et qui a vraiment une signification presque psychanalytique par rapport au personnage du Silent Hill 2 et qui se retrouve dans le 1 alors que il fallait un méchant. Donc ça, c'est un petit peu les points faibles qu'on pourrait trouver, mais je trouve que si on cherche une bonne adaptation et qu'on n'est pas non plus strict sur tous les points, ça peut le faire. Parce que c'est vrai que le Silent Hill, de ce que j'en ai vu d'un point de vue extérieur, ça semble un des seuls noms réellement qui est pas aimé de tous, tu vois, mais qui semble avoir une réelle volonté, etc. Alors que je parlais de quelques jeux que j'ai listés. Il y a par exemple Hitman qui est sorti en 2007. Qui a un peu fait mal aussi, avec cet acteur complètement insipide. Je sais plus comment il s'appelle, mais il a joué dans plein de trucs. Die Hard, je sais plus combien, 3, 4. 4, je crois. Non, le 3, 3, c'est encore Bruce Willis, non ? Oui, non, mais je veux dire, c'était le méchant. Peut-être. Enfin, bref, il était. c'était un jeu, comment dire, pour remettre dans le contexte, Hitman, c'est un assassin. Bon, l'histoire est assez simple, et puis c'est surtout des missions. Du coup, il n'y a pas d'histoire, c'est ce que je venais à dire au début, c'est essentiellement un gameplay. Et du coup, le gameplay, c'est quoi ? C'est que vous avez une cible, et vous avez différents moyens de l'assassiner, cette cible. Mais vraiment, des tonnes de moyens. C'est à vous de chercher, et c'est à vous de vous faire discret. Vous pouvez y aller un peu plus bourrin, mais on vous encourage à être discret. Et le film, t'arrives et te balance. Ah oui, de oui, l'action oui. À gogo, et il y a le pire, c'est qu'il y a encore une suite ou une réadaptation, je sais plus. Ah oui ? Hitman Agent 47 en 2015. Oh mon dieu ! Ils ont osé. Genre, ils vont recommencer. Je regarde la bande-annonce, juste la bande-annonce. La bande-annonce, tu peux ne pas la foirer, tu vois. Oui, oui. tu peux essayer, tu peux. Tu peux manipuler les gens, tu vois, dans une bande-annonce. Là, tu vois un homme qui est en salle d'interrogatoire avec des menottes et tout. Il y a un mec qui s'approche. Bon, je déforme un petit peu, mais Le mec, bam, il se lève, il défait, enfin, il tire avec le fusil, ses menottes se détachent, et puis vache. Mais t'as rien compris, Hitman. T'as rien compris. En une scène, dans un trailer. Mais déjà que surtout Hitman, c'est censé être une ombre. Enfin, il se fait. C'est pas comme Splinter. Sam Fisher de Splinter Cell qui se fait régulièrement arrêter, qui a eu des problèmes avec la police, etc. Là, si Hitman se fait pécho, enfin, c'est la fin du jeu. Enfin, c'est. Ouais. Ça n'arrive même pas, quoi. Donc, il me semble qu'Hitman, c'était un peu une espèce de concurrent à Splinter Cell en termes de jeu d'infiltration, non, si je me souviens bien. Bah, c'est surtout MGS, Splinter Cell, et encore, là, tu vois, là, c'est encore quelque chose à part, puisque c'est pas de l'infiltration ombre et lumière, c'est infiltration costume, c'est infiltration ouais, investigation. C'est plus, je me fonds dans la masse, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et faire un film sur Hitman, il y aurait moyen d'utiliser le personnage. Mais en fait, non, parce que le gameplay de Hitman, c'est que chaque joueur est différent. Mmh. Et dès lors que tu fais un film, ça veut dire un truc. Mmh. Tu figes. Tu peux pas. Et par exemple, alors, tiens, pour l'acteur, c'est donc version 2007, hein, tu parles. Ouais. Donc c'était Timothy Olyphant, voix française, Benjamin Pennamaria. Voilà. C'est Timothy Olyphant, c'est l'acteur donc, qui joue l'agent 47 dans la version de 2007. Voilà. J'aurais oublié. Il y a aussi Resident Evil, je connais absolument pas, mais Resident Evil. Je vois des affiches à chaque fois, j'ai fait, mais c'était pas censé être le dernier. À chaque fois, ils reviennent à la charge. Extinction, Apocalypse. D'ailleurs, je crois que le dernier Resident Evil, pour rebondir sur ce que tu dis, je crois que ça s'appelle The Final Chapter, non? Je crois qu'il y a un truc comme ça. Enfin, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est le dernier. C'est pas le premier Final Chapter, non? Final Chapter 4, c'est pas bon, d'accord. Mais par contre, les Resident Evil ont réussi à avoir un succès. Un succès et une légitimité en tant que film et pas en tant que film sorti de jeu vidéo. Enfin, ça, légitimité. Casting, ça. Commercialement, ça a plutôt bien marché. Oui, toute relative, hein, bien sûr. Je veux dire, les grands experts. Et on est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec la base même. C'est qu'il y a un virus. Voilà. Du coup, ils n'ont qu'un titre. En fait. Voilà. C'est qu'exploitation d'un titre. Voilà. De toute façon, Resident Evil, je vois par exemple les films Resident Evil, c'est vachement basé sur l'action, mais finalement, on n'est pas très éloigné de ce qu'ont proposé les Resident Evil à partir du 5 et du. Mais avec c'est, le 5 c'est eux qui se sont foirés tout seuls. Hein. Après, tu vois, c'est. Là, ça. C'est pas que ça n'a pas un rapport. Il y a sans doute des influences. Tu sais, genre, ouais, on fait un film qui est influencé par le jeu, et en fait, ils font un truc d'action. Ouais, on va coller au film avec le. C'est comme une surenchère ça a pas marché. Dans la bourrinitude. Ça n'a pas marché. Non, ça a pas marché. C'est, en termes de critiques. Oui, les critiques, surtout sur les films, sont moyens. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as personne pour leur balancer des cacahuètes, mais en même temps, ça va à peu près. Mais par contre, les jeux, on en seulement chié au niveau critique. Les gens sont quand même assez durs avec. C'est pour ça qu'on en a eu un de très bon calibre. Je pense que c'est toi, Loïc, qui en parlait, Resident Evil 7. 7, c'est toi. Ah oui, le jeu Resident Evil 7, oui. Oui, j'en avais parlé. Qui renoue un peu plus avec les codes de la base. Mais il faut savoir aussi que les Resident Evil, les tout premiers, sont fortement inspirés du cinéma. Et du cinéma qu'on trouvait au Japon à cette époque-là, qui était toute la vague un petit peu Romero, etc. Toute la vague un petit peu de cinéma de genre, de zombies, etc. Et en même temps aussi un peu américain et dans cette décomplexion totale de l'image, comme on peut voir Chris Redfield qui se métamorphose complètement entre le 1 et le 5. Enfin, entre Resident Evil 1 et Resident Evil 5, tu peux caler un seul Chris Redfield dans le bras du Chris Redfield du 5. Entre le 1 et le 5, c'est assez... Il a fait beaucoup de muscu. Oui, bien sûr, ouais. C'est qu'il s'ennuyait beaucoup aussi dans la toundra, tout ça. Ça va. Puis je pense que c'est intéressant effectivement de voir du coup que finalement les jeux vidéo s'inspirent du cinéma, mais le cinéma s'inspire aussi des jeux vidéo, comme quoi les deux univers sont vachement reliés en fait. Exactement. Sauf qu'ils se foirent un peu plus du coup quand c'est le cinéma qui s'inspire du jeu vidéo, puisque c'est lui-même le jeu vidéo est lui-même inspiré du cinéma. Du coup, c'est ça qui. C'est comme une copie d'une copie. Mais c'est ça. À force de faire des photocopies, tu vois plus rien. Du coup, mais je pense qu'à mon avis, les films tirés des jeux sont moins pires que les jeux tirés des films. Après, ça reste mon point de vue, mais il y a des jeux, il y a des films, c'est vraiment un scandale. Du coup, on va voir ça juste après. Et on va faire une petite pause. Si je peux juste. Vas-y. Il y a par exemple un grand jeu qui est sorti la génération précédente, The Last of Us. On sait tous qu'il va être adapté au cinéma. Au cinéma, effectivement. Au cinéma. Et c'est typiquement le genre de. Ça peut fonctionner, tu vois, en film. Ça peut le faire. Sauf que il y a plein de paramètres qui font que. Il risque de se planter quand même parce que The Last of Us, c'est un voyage qui se fait entre deux, une relation entre deux personnages. Et il y a beaucoup de temps de jeu où tu ne fais rien d'autre que marcher avec ce personnage et qu'il y a des discussions. Et le jeu est long, hein, il dure 12 heures. Ouais, je crois qu'il en film, à moins de viser dans du 3 heures, tu vas pas. Moi, je pense que ça dépend parce qu'il y a des phases d'action qui sont totalement dispensables. Ouais. Au niveau du, enfin, à mettre dans le film qui serait totalement dispensable à mon avis. Surtout les niveaux avec les crackers, Je parle vraiment pas les crackers, c'est les curly. Les curly. Je parle pas de ces phases-là parce que on peut faire un truc de condensé. Mais je pense que justement, ce serait mieux d'axer sur les phases qui sont plus cinématographiques dans le jeu, c'est-à-dire les phases où on avance avec Ellie à nos côtés, etc. Mais tu peux pas faire ça pendant 2h30, tu vois. Non. C'est ça le truc, en fait. Mais je dis pas que ça va pas marcher, parce que un film, il y a beaucoup de films de 2h30, t'as le temps de raconter une histoire, etc. quand même. Mais j'ai plus confiance en ce genre de film avec vraiment une grosse base et où il faut condenser plutôt que quelque chose à étirer. Oui, exactement. C'est un peu comme quand tu la culture et la confiture. Voilà, exactement. Et c'est un peu comme quand tu fais une image et que tu sais que quand t'es sur Paint et que t'essayes de l'agrandir, ça te donne un truc dégueulasse. Bah, en même temps, et quand t'essayes de Paint, alors voilà. Bah attends, c'est très moderne et on fait encore des trucs super bien sur Paint. C'est gratuit. Donc voilà. Alors on va faire une petite pause et notre ami chroniqueur Loïc nous a fait une superbe transition. Cet homme est fort avec Theory of a Dead Man, Santa Monica. Je ne sais pas qui est l'auteur, qui est le voilà. Hein. Alors Santa Monica, c'est le nom de la musique. Theory of the Dead Man, c'est le nom du groupe et c'est tiré d'un de mes jeux vidéo favoris, Fahrenheit. Qui est très cinématographique puisque ça a été réalisé par David Cage. Et on en parle tout de suite après. D'accord. Petite pause. À tout à l'heure. More than this. excuses for everything. And I remember the time when you left it all behind. I remember the day. Time when you left for Santa Monica. Yeah, I remember the day you told me it's over. Depuis 2006, musique, émissions, cadeaux, événements. Avec sommes-nous Radio Malherbe Grenoble, RMG, numéro 1 en Rhône-Alpes. RMG. Et rebonjour, salut à tous, nous sommes de retour dans RMG Gaming, la seule émission qui parle de gaming sur RMG, oui. Et qui cultive votre point G. Et qui cultive votre point G, tout ça en même temps et un dimanche soir, mais que demande le monde ? Et il arrive même qu'il roule qui tire. Je suis toujours accompagnée de Loïc, re-salut Loïc. Re-salut Fanny. Et je suis toujours accompagnée de Max. Bonsoir. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il s'enfile un Ricard entre chaque pause. Range la bouteille. Je serai mort. Et nous avons Nikos à nos côtés pour la Réal. Toujours présent. Et pour les petits côtés, un petit peu rétro, hein ? Ah oui, moi je suis complètement rétro. Le seul truc récent auquel je joue actuellement, c'est World of Tanks. De toute façon. Oui, oui. Ça, on l'a compris que tu l'aimais. Et encore, attention, je suis même pas avec le client HD, je suis avec le client SD au niveau graphisme. Oui. Ah d'accord, ok. Et un dossier spécial sur World of Tanks le mois prochain. À la limite, ah, mais il n'y aura pas de problème d'essayer de vous tenir une petite chronique World of Tanks aussi. Il n'y a pas de souci. Parce que ça, c'est. Alors pareil, c'est vrai que. Tiens, j'en fais une petite aparté vite fait. Vas-y, balance. C'est du jeu massivement multiplayer, mais. C'est un jeu, ça va faire à peu près 3-4 ans que ça existe. Et c'est en évolution permanente en fait. Les éditeurs n'arrivent pas de sortir des tanks, tout ça, etc. Un peu comme Minecraft. Voilà, on peut les gagner, tout ça, et j'en passe et des meilleurs. Donc ça, c'est sympa. Quoi. Et c'est... du coup, ils font encore des tanks diesel ou ils arrêtent maintenant ? Des tanks électriques, monsieur, des tanks écolo. Bah, alors, oui, on tue, oui, mais on respecte alors, l'environnement. Voilà. Il y a des tanks, je pense qu'au niveau consommation, ça devait faire peur. Ils ne donnent pas des consommations au litre parce qu'il y a des machins, c'est sorti des. C'était juste des projets qui étaient sur la planche à dessin. Hein. Ah, machins, mais quand t'as un machin de. Je sais pas, qui doit faire à peu près 14 tonnes ou 15 tonnes, 20 tonnes, et il avance à 20 km/h et il doit avoir un moteur de 800 chevaux. Ah pourtant, il y a des tanks, ça va vachement vite, un tank. Ah hein. Oui, non, c'est. Mais déjà, non, mais tu fais pas le malin en face d'un tank, mais t'imagines un tank qui fait une vitesse de pointe à 100 km/h. Bah, ça dépend du tank, en fait. Hein, c'est, tout simplement, moi, je sais que je joue avec un petit tank de chez AMX, donc c'est les ateliers de Issy les Moulineaux. C'était le ELC 10. C'est quand même pointu, les gens. Ah oui, non, mais en plus, tu consommes français, même dans les jeux vidéo, même quoi. Dans les jeux vidéo, je consomme français, moi. C'est le ELC 10, donc engin léger de combat. C'était un prototype qui était fait pour être. Largué par avion et tout. Et l'avantage, c'est que c'est un petit tank qui pointe une fois que ton équipage est à 100%. Parce que aussi, bah voilà, t'as aussi un petit gameplay à ce que ton équipage, il est pas à 100% dès le départ. Il apprend aussi à prendre de l'expérience. Et après, bah, tu peux monter à plus de 70 km/h avec. Et ça va très très vite. Quoi. Et est-ce que tu dois gérer leur poids dans le tank? Est-ce que tu peux les mettre au régime? Le tank aille plus vite, non, accessoirement. Alors, pas forcément, mais le poids joue également parce que tu peux rajouter des équipements, tout ça, etc. Et ça peut influer ton poids et ça te fait perdre de la mobilité, de la détection, j'en passais des miens. Non, ils ont fait un super gameplay quand même, j'en parlerai. Tu nous feras un dossier. Tu nous feras un dossier. Un bon gros dossier World of Tanks. Là. Voilà, je mettrai la LIBF. Tu nous feras les avions, les bateaux, enfin tout. J'en parlerai avec la LIBF, le clan dans lequel je suis. Là, on est une bande, c'est bête à dire. Je fais peut-être partie des plus jeunes. Non, même pas encore. On est une bonne des trentenaires, quarantenaires. Bah avec plaisir, un petit dossier là-dessus, on serait pas contre. Oh, la bande de geeko. ils vont être excités comme tout. Et est-ce qu'on pourrait avoir les moyens de communication, cher Max ? Oui, alors comme d'habitude, tu me prends par surprise. Alors, oui, je sais. Vous pouvez nous suivre elle aime ça. Sur Radio Malherbe Grenoble, RMG officiel pour notre Facebook, RMG38 pour notre Twitter, les applications sur Android et iPhone sur TuneIn et aussi sur le site internet de RMG. Je sais pas si rmg.net, rmg.com. C'est rmg.net et .fr. Et ben c'est, voilà, c'est rmg38.net. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. 38.net. Oui, j'aime bien te prendre par surprise parce que quand j'ai commencé autour d'elle, c'était comme ça qu'on faisait. On me balançait comme ça. Alors du coup, j'ai cette espèce de... Je vais te retourner le truc. En fait, elles ont pas l'habitude de se prendre par surprise. Donc du coup, voilà, donc écoutez autour d'elle aussi. Ça va, je commence à être rodé. Nous, entre filles, vous savez ce qu'on fait. En tout cas, petit bon point pour Loïc pour le choix de Santa Monica. Le titre Santa Monica, là, c'est un petit titre un peu folk et tout. Ça passerait peut-être bien dans la playlist RMG, ça. Tiens, pourquoi pas. Eh ben écoute, allez, c'est cadeau. Future playlist, je vais essayer de négocier ça. Essayer de faire justement une playlist originale sous track, que ça soit de films, de jeux vidéo, tout ou ça, alors dans, bah dans allez, le tank, c'est cadeau. Dans le tank, une petite musique folk. Et j'ai tué des gens, mais quand même, je me respecte. J'écoute de la musique folk. Et j'ai des tanks écolo, c'est important. Je tue, mais je pollue pas. Et là, tu vois sortir du tank le mec avec ses grosses dreads et tout. Alors, du coup, on va passer à la suite de notre dossier. Il risque d'y avoir du débat. Nous allons parler des jeux tirés de films. Et des jeux à tendance cinématographique. Alors, je pense que quelqu'un a quelque chose à nous dire. Vas-y, Loïc, balance. Oui, bah alors moi, du coup, bah je vais parler en fait des jeux cinématographiques, des jeux. Donc l'exemple typique, c'est les productions David Cage, qui est pour ma part, c'est un peu un génie du jeu vidéo. Je peux pas accepter ce que tu dis, je m'en vais. C'est avec nous, Max, s'il te plaît. Là, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, j'adore vraiment ses productions. Après, on en a discuté en off, il a peut-être un peu le melon, je pense. Oh, certainement. Un peu beaucoup, mais il n'empêche que ses productions en elles-mêmes sont vraiment de très bonnes factures. Je prends par exemple l'exemple du jeu Fahrenheit, qui pour moi est vraiment un de mes jeux vidéo préférés, et de même pour Heavy Rain. Ouais. Que j'ai vraiment adoré sur PS3, ou après un jeu que j'ai un peu moins apprécié mais qui est resté correct pour ma part, c'est Beyond Two Souls. Ouais, de David Cage. De David Cage toujours. Donc après, ça c'est vraiment des jeux. Me tape pas, Max, me tape pas. Ah non, c'était lui qui voulait pendre. J'étais en train de me pendre avec ma corde imaginaire. J'ai vu qu'il y a un bâton imaginaire, j'ai dit il va me frapper quand je parle de Beyond Two Souls. Non, et du coup, oui, c'est vraiment pour dire en fait si que moi je te prête mon carnet. Je vais marquer mon nom, je vais mourir. Mais il enlève sa liste de courses avant quand même. Et du coup, oui, donc pour en revenir à ce qu'on disait, c'est vrai que moi j'adore les productions de David Cage en fait, parce que je suis un fan absolu de ce genre de jeu, c'est-à-dire les jeux entre guillemets films, où finalement tes choix ont une influence directe sur le déroulement du scénario, parce que ça t'implique vraiment dans le jeu ou dans l'histoire. Et moi, quand je joue à ce genre de jeu, je me dis toujours la même chose, vraiment c'est récurrent chez moi, c'est à la place du personnage, je ferai quoi. Oui, ça m'a dit. Et du coup, c'est là que je me dis que du coup, ça m'applique d'autant plus dans le jeu, parce que c'est comme si j'écrivais l'histoire à fur et à mesure que je jouais. Mais du coup, c'est bien ce qui fait, entre guillemets, la différence, c'est que c'est présenté comme un film, mais ce qu'il n'y a pas dans le film, c'est justement, un film, t'es totalement passif, alors que là, t'es voilà, concrètement, c'est, on va dire, c'est ce que je pourrais dire, carrément, un film interactif, en fait. Mm. C'est un film, t'as des choix à faire, en fonction de tes choix, les séquences, les cinématiques évoluent mais en fonction. Mais du coup, pour rebondir là-dessus, sur le film interactif, alors moi, je suis d'accord avec toi, j'ai pas fait Fahrenheit, peut-être qu'un jour, je ferai, mais c'est vrai que... Il a été très peu joué, d'ailleurs, Fahrenheit, oui. Hein, c'était très peu de gens l'ont fait, et pourtant, c'est un magnifique jeu, je trouve. Je me rappelle que c'était encore à l'époque où j'allais dans les magasins et où je choisissais un petit peu les jeux, comme ça, sans avoir vraiment de retour, on va dire, dessus, de type internet ou magazine. Et je l'avais choisi pour sa jaquette et pour... putain, jaquette quoi, qui dit encore ça de nos jours? Je le dis encore, j'achète des jeux en boîte, madame. Voilà, donc pour sa jaquette, j'ai choisi pour sa jaquette, et en fait ce jeu m'avait captivé, mais je me rappelle qu'à l'époque j'allais au collège, et quand j'étais au collège, je réfléchissais à ce qui se passait dans le jeu, et je voulais pas que mon perso meure, et des trucs comme ça, et c'est vrai qu'il m'avait énormément plu. Et du coup, quand Heavy Rain était sorti, ma hype était au max, quoi, j'étais à fond. Voilà. Moi, c'est un pote qui m'a fait découvrir le jeu Heavy Rain en fait. Il m'a dit tiens, regarde, c'est par le même créateur que Fahrenheit. J'ai direct vu la bande annonce. Je me suis dit c'est bon, ce jeu je le veux. Et il y avait une démo dispo sur PS3. J'ai testé la démo, j'ai surkiffé, j'ai précommandé. La démo, c'était le niveau avec Alors, donc bon, pour ceux qui connaissent en fait, c'était donc t'incarnais en fait l'agent Scott Shelby, voilà, le détective privé. Et t'avais en fait un niveau où en gros il allait dans un motel miteux des États-Unis sous la pluie, tout ça, qui devait enquêter en fait sur la disparition donc d'un enfant. Et en fait, il interroge le réceptionniste à l'entrée. Et après, il va voir en fait une prostituée dans une chambre d'hôtel. Elle croit que c'est un client lambda, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste pour poser des questions. Et en fait, en la questionnant, il va se rendre compte que du coup, elle-même a perdu son enfant il y a quelques années dans des circonstances similaires. Et du coup, ça va lui donner encore plus envie d'en apprendre un peu plus sur cette histoire pour essayer de retrouver l'enfant en question. C'est ça. Donc, c'était pas un morceau du jeu, mais c'était comme un DLC. En fait. Non, la démo, c'est vraiment un morceau du jeu, en fait. Je me rappelle pas de ça dans le jeu, mais c'est possible. Il y avait bien ce niveau. Voilà, c'est-à-dire la démo ne prend pas du tout le début du jeu pour pas spoiler la mise en scène, mais c'est vraiment en cours de jeu, t'as cette séquence-là, et elle est dans la démo et dans le jeu final. Ouais. Mais du coup, là, t'avais abordé un point, c'est que ce qui faisait la force de ces jeux-là, Fahrenheit et Virgin, c'était que justement, c'était inspiré très clairement de films. Il y avait des inspirations, même vraiment des références par rapport à ces trucs-là. Oui, totalement. À l'intérieur. Surtout dans Fahrenheit. Surtout dans Fahrenheit, il y avait énormément de références cinématographiques. Mais c'est vrai. C'est surtout que c'est présenté tel un film. Mais ce qui faisait la différence, et ce qui faisait un jeu, c'est que il y avait des choix. Et des choix qui avaient des conséquences. Ah, puis des conséquences vraiment directes. C'était vraiment direct, t'écris le scénario au fur et à mesure que tu joues. Hein. Direct ou indirect d'ailleurs, parce que, enfin, des fois c'était plus tard que tu ressentais la conséquence. Tard, mais voilà, et à mon avis, l'erreur qu'il a faite justement avec le dernier Beyond Two Souls, c'est qu'il a voulu vraiment en faire un film, entre guillemets, un mauvais film en passage. Et puis, non, mais c'est qu'en fait, il faisait semblant de proposer des choix ou de demander aux joueurs de s'investir parce que. Typiquement, tu posais la manette, il se passait exactement comme un film se déroulerait, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'appuyer sur le bouton. Par exemple, hein, c'est pas tout à fait le cas tout le temps, mais par exemple, le personnage devait se débattre pour éviter de se faire étouffer. J'ai posé la manette, à aucun moment le jeu décide de dire bah t'es mort. Il attend que tu appuies sur le bouton. Ou alors il y a une course poursuite, tu appuies pas sur le bouton. Pour éviter, je dis pas une branche, hein, c'est véritable, hein, c'est peut-être pas toutes les séquences comme ça. Eh ben, elle se prend pas la branche, par exemple. Après, je pense, pour rebondir directement sur ce que tu dis, le fait qu'il puisse pas faire mourir entre guillemets le personnage, c'est que contrairement à Heavy Rain, t'as qu'un seul protagoniste. Mais non, mais du coup, justement, si elle meurt, bah l'histoire se termine. Le problème, c'est qu'un jeu vidéo, tous les jeux dans lesquels tu joues, tu meurs, tu recommences. Oui, voilà. Il est pas mort, oui. Il faudrait pouvoir. Le truc, c'est qu'il a poussé le concept jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a fait un film avec des boutons et qui, donc, je veux dire, pourquoi tu ne vends pas un film à 20€ au lieu de me sortir un jeu à 70? Le problème aussi de Beyond Two Souls, c'est la durée de vie qui était quand même assez. Elle est très très courte, mais Fahrenheit est encore plus court par contre. Fahrenheit, honnêtement. J'ai l'impression d'y avoir joué pendant. Bah, en fait, moi, c'est un jeu que j'ai recommencé un nombre incalculable de fois, mais honnêtement, tu finis le jeu en 8-9 heures. 8-9 heures, t'as fini le jeu. C'est quand même respectable quand tu vois un Tomb Raider qui te fait 6 heures. Ah, bah, bien sûr, mais là, on parle aussi d'un truc qui se rapproche vraiment d'une expérience de film où on n'est pas aussi investi que dans un autre jeu comme Tomb Raider ou quoi que ce soit au niveau de la manipulation. Et là, que ça dure un peu moins longtemps, c'est pas vraiment un défaut. Après, donc, oui, la durée, bien sûr. Moi, je préfère effectivement un jeu qui dure 8 heures où j'ai vraiment kiffé, quoi, plutôt qu'un jeu 30-40 heures et puis au bout d'une vingtaine d'heures, je m'emmerde, quoi. Ça, c'est marrant parce que dans la chronique précédente, donc c'était les films issus des jeux vidéo. On l'a complètement zappé de c'était Tomb Raider quand même. Ben oui. Oui, mais effectivement, oui. C'est parce que c'est oubliable et oublié. Je trouve que le personnage a collé avec l'actrice. Tu dis ça parce que t'es amoureux d'Angelina Jolie. Oh. Ah, et si oui, on s'attarde qu'au personnage, okay, Hitman, ça collait. Le petit débardeur et le mini short lui va très bien. Voilà, et c'était tout ce pourquoi on jouait à Tomb Raider. Mais complètement raccord en plus. Allez, on revient sur l'inverse, donc c'est-à-dire les jeux vidéo qui s'inspirent du film. Mais alors là, du coup, on en a quand même une sacrée flampée de. Le truc, c'est que pour revenir juste secondes sur David Cage, c'est que moi j'ai pas du tout aimé Heavy Rain, mais plus pour le côté melon du gars, déjà, hein, et deux, pour sans spoiler, mais on va dire que la psychologie du film et notamment la fin du film et toute l'explication psychologique du film, j'ai l'impression que c'est un mec. Ouais, du jeu, pardon. J'ai l'impression que c'est un mec qui a sorti. J'ai l'impression que c'est un mec qui a sorti Biba. Tu vois, et qui a fait un petit test comme ça, et qui est sorti et qui a fait « Ah ouais, non mais attends, si son fils est mort comme ça, bah ça veut dire que maintenant il peut faire des tests avec les gens, et enfin c'est débile. » Il y a même pire dans ce jeu, mais c'est vraiment consacré, vraiment c'est ciblé sur ce jeu, c'est qu'il y a même une incohérence de narration. C'est-à-dire que David Cage te leurre. Enfin, il te ment. Oui, il te exactement. Ment totalement pendant que tu joues. On va pas spoiler. Mais il fait croire au joueur quelque chose sans que ça soit justifié dans le sens cohérent et réel. Tu vois, il te ment dans le jeu. Il te ment pour justifier un retournement scénaristique. Oui. Il ment au joueur. Et ça, c'est à mon avis un gros problème de ce développeur en tant que tel. C'est pas, ça se confirmait pour moi avec Beyond Two Souls, c'est qu'il t'a vendu un film à 70 balles. Tu vois. Après Beyond Two Souls, moi je l'ai trouvé totalement insipide. J'ai vraiment rien retenu, à part que ça avait dû coûter une fortune de motion capturé Ellen Page et William Dafoe. Mais sinon, enfin. Et même l'histoire en elle-même est assez dispensable, je trouve. C'est pas ouf. Ça flirte entre le fantastique et le réaliste scientifique pseudo je ne sais quoi. Ça me fait un peu penser notamment au niveau des retournements de situation et du M. Night Shyamalan, mais en jeu et en beauf. David Cage, à mon avis, son gros problème, c'est qu'il veut faire comme les autres. Parce qu'il se dit comme étant un auteur unique, etc. Mais il essaye de faire trop comme les autres. Dans son écriture et dans sa réalisation. Parce que... Après, il a réalisé quand même quelque chose de... C'est quand même Fahrenheit et Heavy Rain qui ont vraiment popularisé le QTE. Et avant, il y avait No Man's Soul. No Man's Soul, juste avant Fahrenheit. C'était sa toute première production, Nomad Soul, je crois que ça s'appelait. Ah ouais. Et c'était vraiment sa première production avant Fahrenheit. Et ben du coup, tu y as joué ? Du tout, j'ai commencé à partir de Fahrenheit. D'accord. Et du coup, c'est... Quand je parle de QTE, c'est que vraiment... Il a popularisé ça avec aussi God of War. C'est pas David Cage. Non, mais je veux dire, c'est deux jeux qui sont qui ont rien à voir entre eux, et après dans l'utilisation des QTE et de la justification d'utilisation des QTE, etc. Parce que finalement le jeu cinématographique est vachement relié aux QTE et c'est souvent ce qu'on leur reproche. On leur reproche d'être un film avec des QTE. Il y avait un jeu qui le faisait extrêmement bien et je sais que. Que je me répète parce que ce jeu pour moi c'est un des meilleurs du monde, c'est Shenmue hein. Qui est vraiment pour moi le piment du QTE. Quand par exemple, je crois que c'est dans le 2 où on doit aller chez le barbier et qui nous dit qui nous met le rasoir sous le cou et qui nous dit bouge pas, et on a un QTE qui clignote à l'écran de plus en plus rapidement. Mmh. Et le nombre de fois où j'ai appuyé dessus parce que l'écran me demandait d'appuyer dessus et où ça faisait un fail, enfin, que du coup on se relève et que le barbier nous dit reviens demain si t'as le courage, etc. Et en fait, il ne faut toucher à rien. Mmh. Et c'est ça aussi, je pense, une bonne utilisation du QTE. C'est de te proposer le choix de le faire et que ça peut être la mauvaise solution. Sauf que souvent, David Cage et le problème de ses productions en général, c'est que dès que tu as quelque chose à l'écran, c'est pertinent et il faut que tu le fasses. Pas toujours. Dans Fahrenheit, il y a un moment. Oui, dans Fahrenheit, oui. Par exemple, il y a un moment où t'as un choix de réponse, on va dire, gestuelle à donner. Par exemple, il y a un moment, tu te fais interroger par la police, t'es assis sur ton bureau, d'un coup, t'as une hallucination. Si tu réponds à cette hallucination, tu exactement, vas voir ton oui. personnage qui va se lever, qui va alerter la suspicion du policier. Et en fait, bah, pour que ça passe comme une lettre à la poste, il faut ne rien faire. Oui, c'est pour ça. Donc, il faut volontairement rater les actions proposées pour ne pas se faire suspecter. Je trouve que le principe est très intéressant et du coup ramène aussi le joueur à sa condition de joueur, c'est-à-dire de mec qui fait des choix et pas juste qui appuie sur un bouton. Et je pense que pour ça, Fahrenheit était. Moi, j'ai trouvé que Fahrenheit était une bonne production. Mais c'est quand avant qu'il soit connu, quoi, tu vois. C'est là que ça marchait. Tu vois. Bah, surtout, c'était sa deuxième production, parce que justement, il a fait Nomad Souls, comme je disais à Fanny. Donc là, il était comme déjà à son deuxième coup d'essai. Donc ouais. Je pense Après, pour moi, il s'est perdu. Si tu regardes bien, en parlant du melon du bonhomme. Si tu regardes bien le tutoriel de Fahrenheit, il y a lui dedans. Il s'est fait motion capturer et entrer dans le truc et qui dit « Bonjour, je suis David Cage. » Mais dans le genre melon, c'est pas le seul. Hein, parce que je fais un aparté, il n'y a rien à voir. Je ne sais pas si vous connaissez Peter Molineux. Ah, Peter. Ah bah ouais, le roi des promesses. Le roi des promesses vides et insipides. Ouais, non, mais totalement. Qu'on lui doit Fable, quand même, le premier Fable que j'ai vraiment adoré. Mais c'est un peu, pour moi, David Cage et Peter Molineux, pour moi, ils sont vraiment à mettre dans la même boîte. C'est qu'ils se prennent pour des dieux vivants. Pour eux, ils ont la science infuse du jeu vidéo. C'est des développeurs hors pair, puis au final, ben. Alors, ben voilà. Mais je trouve que du coup, ça dessert complètement leur production, parce que Peter Molyneux est connu justement humbles, pour en fait. Ses, mais je pour pense ses qu'on promesses. On s'éloigne ouais. du sujet, parce que là, on va sur les développeurs en tant que tels. Oui, mais c'est que aussi, quand tu fais quelque chose de plus cinématographique, tu apposes ton nom dessus plus que sur c'est d'ailleurs c'est, le oui, c'est comme un réalisateur en fait clairement mais par contre en dehors de ces deux personnages, il y a aussi Until Dawn que j'ai très préféré bon jeu aussi, ouais. Très très bon jeu et le concept est vraiment intéressant en plus. Et pour le coup, tu pouvais vraiment perdre tes putains de personnages très rapidement. Et quoi. Surtout, et je effectivement, c'est que en gros, bah quels que soient tes choix, tu peux en gros le jeu peut se terminer, tous tes personnages sont morts, t'as fait 3 heures de jeu, voilà, merci au revoir. C'est vraiment en fonction de tes choix, le jeu peut être vraiment très très court ou très long si tu les fais tous survivre. C'est issu d'un film, hein, c'est ça. Hein. Non, en fait, c'est inspiré du genre de film le slasher. Inspiré du slasher, pour la petite histoire, c'est une bande de jeunes qui se retrouvent dans une maison, dans un chalet, dans une forêt qui serait pas hantée, mais il se passerait des choses de type chamanique. De type série B, et c'est extrêmement, c'est assumé, et c'est ça que je trouve qui rend le jeu plus léger aussi et moins pompeux, parce que généralement c'est aussi le problème de ce genre de production, c'est que c'est assez pompeux, et là ça rend le truc un peu plus léger parce que c'est inspiré des slashers et que voilà, c'est pas non plus voilà. D'accord. Mais après, ils ont connu un développement très compliqué c'était censé sur PlayStation Move, mais oui voilà, et comme ça a pas du tout marché, ça a été reporté, etc. Déjà. Voilà, c'est ça. Voilà. Même quand c'est sorti, tu pouvais déjà le collectionner tellement personne n'en voulait. Michel qui s'allume, monsieur. Ça a été acheté pas mal. Ce sera un futur dossier, ça. Les consoles qui ont floppé de chez floppé. Mais là, c'est Virtual Boy. Ou alors la Game Gear. Ah, la Game Gear. Mon dieu. C'est, non, voilà. Alors, pareil, moi, c'est le côté rétro, bien entendu. Hein, voilà, tout le monde l'a fait. Salut les vieux. On est là, on est présent, on est dans la place. Les vieux RPZ. Mon temps, j'ai existé déjà. Pareil, comme on est vraiment dans le principe de films qui ont été adaptés en jeux vidéo, là, c'est moi qui c'est vraiment. Là, je pars sur le côté série, complètement. Puisque je reviens en 1996, vous étiez né ou pas? Bah oui. Oui, j'avais 5 ans, monsieur. Mais j'espère. J'avais 6. Alors, je sais pas si vous regardez. J'en avais 18. Si vous regardez. Ah, bah, donc, tu devais regarder la série un peu comme moi. Si je te dis qu'en avril 96, on est quand même la série X-Files à sa saison 3. Ça oh, parle. Ça me vieillit, ça par contre. Ça. Voilà, tout simplement, c'était, j'ai plus en tête l'éditeur derrière Fox Interactive pour la PlayStation, qui ont adapté tout simplement, ils n'ont pas adapté non plus, ça a été un épisode à part entière de X-Files, placé entre l'épisode 22 et 23 de la saison 3, où à un moment donné, dans cet épisode, il y avait la disparition entre guillemets de l'agent Mulder et de l'agent Scully, et on se retrouvait dans la peau d'un agent du FBI qui était en charge de les retrouver, tout simplement. Et pareil, on n'est pas dans les nouvelles techniques comme on peut avoir maintenant. C'est ça, je pense, j'essaierai d'y rejouer, mais je crois que ça a pris un sacré coup de vieux. Hein, c'est un point and click, non ? Alors non, point and click, et tu pouvais aussi bouger, et les décors étaient vraiment les décors du film en fait. C'était c'était de la vidéo qui était prise en photo plus ou moins pour faire les décors tout ça, mais les personnages c'était vraiment des captations vidéo on n'était pas en 3D mais par contre c'est vrai qu'on un peu comme Resident Evil en fait. C'est vraiment t'as des séquences de films c'est des avec moins d'images par seconde pour c'est ça pour voir que ça rentrait sur une galette de PlayStation quand c'est même dégueulasse. C'est voilà, mais c'était super top à l'époque. Mais le truc effectivement il y avait un côté d'interactivité, c'était alors t'as pas l'histoire de par exemple tu laissais la manette quand tu te fais étrangler, là non c'était pas le cas du tout, fallait vraiment réagir c'est en permanence tout ça etc, et en plus c'est si tu loupais une action ça allait influer quoi qu'il arrive sur d'autres actions plus tard dans le jeu. C'est-à-dire que à un moment donné tu devais essayer de tirer sur quelqu'un ou quelque chose comme ça, mais si tu l'avais pas touché ou si tu le touchais, t'aurais, à un moment donné l'histoire allait changer. Ils avaient prévu plusieurs ramifications, c'est au cas où si tu te loupes quoi en fait, tout simplement. Donc ça a l'image d'un film, mais ça a la fonction d'un jeu. Mais du coup ça rajoute je trouve que ça rajoute quelque chose à la série, parce que du coup c'est un complément et ça a vraiment ça te permet de faire ce dont tu rêves quand tu regardes une série, c'est-à-dire d'avoir une influence sur cette d'être série. Dans la série en fait, voilà. Complètement quoi. C'est, et là pareil, bon, le personnage c'était Greg Whitmore, c'était un agent du FBI, on savait même pas dans quel bureau ils l'ont trouvé, ça se trouve c'était un jeune stagiaire. C'est le mec qui faisait le café, tiens toi, ils sont partis. Voilà, mais il ramasse les photocopies. Voilà, et tu retrouves vraiment tout l'univers, bah là c'est vraiment calqué de la série tout ça, et on te fait vivre un épisode à part entière quoi. C'est, D'ailleurs ils ont fait ça aussi pour la saga Matrix, avec le jeu Enter the Matrix, qui fait en fait le... Comment dire ? En fait, il est directement, d'un point de vue de l'histoire, lié au, à la trilogie. Mais ce n'est pas l'histoire de la trilogie, en fait. C'est vraiment un épisode à part, mais qui est directement lié au film. Donc, c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, hein, même si je ne l'ai pas trouvé à chier non plus. Mais voilà, ils ont fait ça aussi donc, avec Enter the Matrix pour la. Ils ont fait ça aussi avec les experts. Bah, du coup, on peut peut-être passer, justement à cette partie où les jeux sont tirés des films en film en eux-mêmes. Exactement. Et il y en a vraiment pas mal. Et là, tu viens de dire les experts. Ouais. Il y en a aussi des tonnes, des trucs comme ça, experts, des séries à la con. Là. Ouais, alors, là, il y en a un, c'est un double. C'est bête à dire, mais Alien vs Predator. Ah oui, génial ça. C'est, ils ont sorti le jeu Alien versus Predator où bah tu as le choix entre jouer entre l'alien, le Predator ou si t'es vraiment un cinglé, l'humain. Personne n'a dit jouer. Si t'aimes avoir mal, prends l'humain. Et en fait, c'est ici un peu des deux univers de films de Predator et d'Alien, ce mais jeu. Inédit. En fait, c'était pas tiré directement. Voilà, c'est ça. Enfin, de toute façon, le film est arrivé après. En et fait. Après, il y a eu le film qui est sorti, Alien versus Predator, où on se retrouve dans cette. Où on retrouve, en fait, ils découvrent la pyramide avec les aliens et les Predators dedans. Et là, du coup, c'est de l'exploitation de licence. Voilà, c'est l'exploitation de licence au final. Ouais, enfin, si, ça prend. Là, il fait combo avec les deux sujets, celui-là. Ouais, c'est vrai. Mais il y a eu plein de trucs. Et d'ailleurs, récemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler, bah, on est d'accord pour dire que ceux qui tiraient des films, les jeux tirés des films, c'est pas. Voilà. C'est pas foufou. Ouais, c'est pas si c'est mieux. On n'est pas réjouis. Quoi. Et là, il y a récemment, il y a Ubisoft qui va développer un jeu Avatar. Oh. Mais ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà fait le jeu Avatar quand il est sorti. Et là, on a entendu parler, effectivement. Mine de rien, tu vois, oh, on a oublié Avatar, et ben on va en faire un jeu. Encore. Hey, et on va être du tout. Original. Et en fait, c'est là, en fait, adapter un film en jeu vidéo, c'est d'autant plus dur parce qu'un film, ça dure 2 heures. Oui. Et que étirer. Enfin. On sent du remplissage, quoi qu'il arrive, dans chaque adaptation, pour remplir entre les différents gros points du film, en fait, à chaque fois. Et du coup, Avatar, il y a quoi d'autre, si vous avez des noms Moi, par contre, j'ai même mieux encore. J'ai le jeu vidéo tiré du film, tiré du jeu, Ratchet & Clank. Ah, bien joué, bien joué. Alors là, il faut que tu m'expliques. Alors, en fait, ils ont sorti un film Ratchet & Clank il n'y a pas longtemps, qui était à la base... tiré du jeu vidéo. Ah oui, oui. Sauf qu'ils ont par la suite sorti le jeu vidéo tiré du film qui était lui-même tiré du jeu. Waouh. Ils ont fait un produit dérivé du film qui est tiré du jeu. En fait concrètement, c'est comme s'ils faisaient un produit dérivé du produit dérivé. C'est-à-dire le film s'inspire du jeu originel de l'ère PS2 et PS3. Et en fait, ils ont fait un film en ça. Ouais, non, ça va, j'ai compris. Voilà, voilà, c'est un peu un spin-off. Désolé, ce n'est pas de la moquerie. Hein. C'est un spin-off, en fait. C'est de la photocopie, de la photocopie, de la photocopie. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme si tu photocopies une photocopie. Voilà, c'est et comme nous dirait un grand homme, un philosophe, qui est aujourd'hui assis à cette table, si tu fais une photocopie d'une photocopie, au final, tu vois plus rien. Voilà. C'est à peu près ça. Mais le jeu est très bon. Mais pour juste un dernier exemple de jeu inspiré par le cinéma, c'est Max Payne. Oui. Max Payne qui le fameux bullet time. Bourré de références au cinéma, sans justement trop appuyer le fameux coup de coude. Eh, t'as vu, c'est le film, c'est comme un film. Du coup, lui, il n'est pas tiré d'un film. Non, c'est, mais par contre, il y a eu un film tiré de Max Payne, du jeu. Ah, on aurait dû le foutre avant celui-là. Oui, mais le jeu de base est vraiment inspiré de films en général. Ouais. De tout ce qui est cinéma noir, le personnage est extrêmement inspiré de tout ce qui se faisait vraiment à l'époque, de type héros un peu torturé, alcoolique, accro aux médicaments, etc. Et du coup, ils avaient cette approche cinématographique et qui, du coup, ont beaucoup rendu de service au cinéma avec le bullet time, etc. Mais en fait, c'est un sujet assez bâtard ce qu'on présente. C'est parce qu'en fait, non, mais c'est faux. Parce qu'en fait, le jeu en lui-même, maintenant, enfin, depuis ces 10 dernières années, c'est plus discutable, le jeu vidéo est inspiré du cinéma dès lors qu'il y a une caméra. Voilà. Et du coup, ça, c'est un fait. Et du coup, je ne sais même plus où je vais en venir. Surtout qu'on injecte de plus en plus d'argent dans les productions. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait parler de tout. Voilà, et du coup, ils balancent maintenant des trailers comme on balance des trailers de films. Donc, il y a aussi, avant c'était aussi le cas, mais maintenant on va en balancer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec toujours, je me rappelle de ce fameux trailer de Assassin's Creed 3 où on voyait Connor se jeter dans la neige et abattre des gens sur... la musique du trailer était magnifique, je me rappelle. Oui, c'était Imagine Dragons, Radioactive. Ouais, et du coup, avec la musique, avec toute cette ambiance, et puis à l'époque, c'était quand même des graphismes assez hallucinants. Ça l'est toujours, c'est pas moche, hein. Loin de là. Mais les trailers d'Assassin's Creed sont toujours magnifiques. Oui, et ça avait vraiment cette portée de oh punaise, j'ai pas envie d'y jouer, j'ai envie de le regarder. Mais là, on parle d'un concept qui est assez. C'est une aura, entre guillemets. Mmh. Parce que là. En premier lieu, nous, on parlait vraiment de trucs précis, c'est-à-dire de films tirés de jeux. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi forgé l'industrie du jeu vidéo maintenant ? C'est vraiment qu'il y a des jeux tirés de films qui sont plus ou moins pas terribles. Oui. Et il y a plein de mots en tête. Il y avait les Spider-Man, etc. Oui, les Spider-Man. Et qui n'étaient pas tant mauvais que ça parce qu'il y avait un gameplay en fait dans le film. Surtout les Spider-Man où on permettait à l'époque, c'était un des rares open world où tu pouvais vraiment te balader dans toute la ville très facilement avec ta toile. Du coup, ça. Ouais. C'est un exemple. Bon, le jeu n'est pas faramineux, mais c'est un exemple de jeu qui a su tirer bénéfice de la jouabilité du gameplay du film, en fait. Oui, alors là, moi j'aurais un discours assez particulier si on rentre dans les univers Marvel ou DC Comics, c'est qu'à la base c'est quand même des comics en fait, tout simplement. À la base c'est des BD, c'est même pas des films. Hein, Je parle vraiment. Il y a par exemple Spider-Man 1, 2, 3. Ouais. T'as eu, avec le calendrier qui allait avec pour coller la sortie du film. Wow. Des jeux tirés de ce film-là. D'accord. Ce qui est scandaleux, c'est que les jeux sortent avant les films et que dans les jeux t'as des séquences du film. Du coup, si tu ne veux pas te faire spoiler l'histoire, mais ne joue pas au jeu avant d'avoir vu le film. Oui, je crois que Spider-Man 2 était sorti avant. Mais même à l'époque, je m'en rappelle pour Star Wars 3. Non, Star Wars 3 à l'époque, il y a très longtemps. J'avais vu le jeu, je m'en rappelle, sur Xbox. Et ben, en fait, j'avais joué au jeu avant de voir le film. Et grosse erreur parce que dans les cinématiques, c'était les cinématiques du film. Et ben, ça spoilait tout le film. Ça, quand même, c'est sacrément pute de réutiliser des. Mais c'est très pute, hein, parce que t'as le jeu avant, mais tu peux pas. Si t'y joues avant de voir le film, tu seras spoilé. Tiens, moi, je vous propose un petit tour de table en question. Alors, deux questions simples. Quel est le jeu vidéo que vous aimeriez voir en film? Et quel film aimeriez-vous voir en jeu vidéo? Wow. Alors, attends que je remette dans l'ordre dans ma tête. quel film on aimerait voir en jeu? Film en jeu? Moi, je vous propose quelque chose. On va se faire une petite pause musicale pendant le temps de bien réfléchir à tout ça. On vous donne notre réponse et après ce sera l'agenda, les top et flop. Et on se dira au revoir les enfants. Alors j'ai une petite chanson pour vous que moi j'ai choisie. Ça s'appelle Dead Unicorn de Little Big. Et... Little Poneyland. Mais pourquoi tu as tué la licorne? Elle est morte. Elle est dead. C'est déjà le cas. Les poneys, oui, mais pas les licornes. Les licornes seront toujours éternelles dans nos cœurs. Ah, voyons. Ça va alors. Mais elles ont le droit de mourir. Allez, à tout à l'heure. Stimulating glass. un peu. Now it's time to break up with this system. All the reasons are clear and listed. Come on and change the course of the history. Take off these guys of the rotten mystery. Musique, émissions, cadeaux, événements. Pec sommes-nous. Radio Malherbe Grenoble. RMG. Numéro 1 en Rhône-Alpes. RMG. Et rebonsoir à tous. Nous sommes là pour la dernière partie de RMG Gaming. On vous l'a fait courte. Il y a Loïc, il y a Max, il y a Nikos. Et on avait une question palpitante avant la pause. Est-ce que tu veux bien nous la reposer, Nikos? Alors, quelle serait le film que vous voudrez voir en jeu vidéo et inversement le jeu vidéo en film. Alors qui commence ? Bah écoute, je vas-y, me Loïc. Permets de commencer. Alors moi j'ai simplement en fait trouvé un jeu que j'aimerais bien voir en film et qui a été annoncé depuis déjà pas mal de temps, c'est Splinter Cell. Ah oui. J'aimerais bien enfin voir enfin. Sam Fisher au cinéma. Oui. Est-ce qu'ils ont annoncé un acteur pour je pense pas. L'acteur non, parce que c'est un projet qui est à l'état de d'embryon depuis... jamais fait, le spermatozoïde n'a jamais rencontré l'ovule, tu vois, c'est ça fait très longtemps qu'ils en parlent effectivement. Donc voilà, je n'ai pas enfin j'ai pas encore le nom du possible acteur, mais c'est toujours en projet depuis pas mal de temps, donc j'aimerais bien le voir en film. D'accord, et l'inverse ? Je n'ai pas trouvé. D'accord, merci. Max, c'est à toi. Eh ben, un jeu en film, je vais être original, je vais pas être original, c'est, j'ai pas vraiment, vraiment d'idée, parce que pour moi, tout reste dans un secteur ou dans l'autre, mais je dirais Mass Effect. Qui a été annoncé aussi. Qui est en projet, un peu comme Splinter Cell. C'est juste une idée dans un coin, voilà. On verra. Tu sais, ils balancent un petit peu des fois des teasers non, ben comme voilà, ça, mais ça, je pense ça, que j'y crois pas. Sera. Et de toute façon, je préfère qu'ils le fassent pas. et un film en jeu, j'en ai pas en particulier, parce que comme on disait tout à l'heure, dans tout ce qui est l'univers geek, entre guillemets, au niveau du cinéma, tout a été adapté. Alors, j'ai pas d'idée. Alors à côté, je sais que nous avons eu à côté de moi. Commun nous. il a un projet qui m'intéresse beaucoup. Vas-y, balance. Bah allez, je peux balancer quand même. Alors moi c'est un combo en fait. Complètement, parce que ce serait du réédit. Pour moi, c'est tout simplement issu du roman de Frank Herbert, Dune. C'est le jeu qui est sorti en 1998, qui était basé en fait sur le film lui-même de 1984 de David Lynch, où on avait un acteur principal Sting quand même à l'époque. Donc, alors le film, je vous le déconseille de le regarder maintenant parce qu'il a très très mal vieilli. Ça va être compliqué si vous n'avez pas lu le roman de comprendre l'univers de Dune. C'est quelque chose d'assez complexe. Oui. Et après, bon, pour cela, il y a aussi le cycle de Dune ou les enfants de Dune. Hein. C'est un truc qui fait 9h30. Dune, c'est un jeu hein, déjà. Non, à la base, c'est un roman. Non, mais je veux dire, il a été adapté. Il a été adapté en jeu, et le jeu, en 1998, quand il est sorti, en fait, tout simplement, ils avaient repris que la partie économique de la gestion du commerce de l'épice, tout ça, etc. C'est avec un peu de l'histoire de la maison des Atreides, c'est pas grave. Bref, des deux maisons qui se guerroient, bien entendu, sur tout le long de Dune, sur la planète et tout. Donc, c'était assez sympa, et moi, j'aimerais bien qu'il y ait complètement le réédit complet de tout cela, aussi bien même dans le jeu, parce qu'avec les technologies actuelles, c'est ce qu'on discutait avec Fanny. Oui, on en discutait. Il y a quelque chose de peut-être de magnifique à faire sans tout dénaturer. Peut-être le petit côté années 80 qu'il y avait quand ils ont sorti le film, tout ça, etc. C'est que ça a un charme des années 80 quand même assez indéniable. Et vaut mieux le garder dans son jus parce que je pense que le moderniser, ça donnerait quelque chose de bâtard. Voilà. Et puis l'avantage, c'est que là, il pourrait vraiment, les technologies open world, tout ça, c'est à un moment donné, on peut vraiment s'amuser, perdre son temps, aller chevaucher du verre de sable ou je sais plus quoi, les motos, enfin, les espèces de véhicules où on peut se balader sur toute la planète. Ou si on a envie d'être un commerçant, pourquoi pas être un commerçant d'épices, faire le transport, j'en passe, c'est des meilleurs. Quoi. Mais à mon avis, si tu veux mon avis, ça doit traîner dans leur tête bien quelque part. Ou dans des projets. J'espère bien, ou bien, parce que pareil, après, au côté film aussi, c'est le côté un peu où on a toute cette. Tout ce qui arrive de blockbuster actuel, c'est vraiment le reboot du film aussi derrière avec toute la nouvelle technologie. On parlait d'Avatar tout à l'heure, mais Avatar c'est quasiment déjà que du numérique à 400% là-dedans. Donc faire le jeu vidéo, je pense pas que ça va être compliqué pour les studios de James Cameron derrière. Mais c'est pas eux qui le font de toute manière. Ils doivent avoir déjà les modèles 3D, etc. Les modèles 3D existants, au vu du jeu qui est déjà sorti d'Avatar quand c'est sorti le film, non. Voilà. Pour moi, c'était tout simplement celui-là qui faisait un peu combo. Quoi. Et toi, Fanny? Et moi, c'est peut-être pas un combo et c'est issu de ce à quoi j'ai joué récemment et ce qui m'a plutôt touché dans les dernières sorties, c'est que j'aimerais bien voir Resident Evil 7 en film. En fait, parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire de Resident Evil 7. J'ai pas pu y jouer, j'ai regardé un let's play. Mais moi, c'est une histoire que je verrais bien sur le grand écran. Avec cette histoire de famille comme ça un peu bizarre, avec le côté, on va dire, malsain du truc que je verrais bien sur grand écran. Et j'ai déjà le réalisateur, je vais le contacter bien sûr. Et j'aimerais bien que ce soit, j'en ai déjà parlé, mais M. Night Shyamalan qui le fasse. Oula, je parle n'importe comment. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de cette famille qui est possédée par la petite gamine ou des choses comme ça sans trop spoiler. Mais je veux dire, je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus et il y a beaucoup de retournements de situation. Et comme je sais que c'est sa spécialité et qu'il adore ça, je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà, voilà. Tiens, on l'a oublié dans les entre guillemets films ou séries ou autres adaptés aux jeux vidéo. Ah, il n'a pas crétin. Ah bah oui. Effectivement, ouais. On les a oubliés. Est-ce que c'est pas plus mal? Peut-être. Alors, on va tout de suite enchaîner sur les top ou flop rapidos. Quelqu'un un top, quelqu'un un flop? Je peux commencer. Go, go, go. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai deux coups de gueule et un coup de cœur. Ah ouais, alors, vas-y. Je vais être bref. Hein, je vais non, pas... vous allez, balance. Donc, déjà, j'ai un coup de gueule, en fait, concernant, en fait, les figurines pop. Les petites figurines pop, en fait, il y a un modèle de Devil Jin de Tekken qui va sortir. Sauf que le problème, c'est que c'est que aux États-Unis et il n'y a pas d'import de possible. Je veux à tout prix cette figurine. Je veux pas la voir. Ça me frustre au plus haut point. Comme je te comprends. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc je vais aller aux États-Unis. 2000 euros la figurine. Allez, voilà. C'est parti. Non, c'est que même l'import n'est pas disponible. Je peux même pas le commander sur. Oui, mais si t'y vas. Oui, mais ça fait cher la figurine. Oui, voilà, 2000 euros. Donc ensuite, j'enchaîne avec un deuxième coup de gueule, et on en a parlé juste avant, c'est le film Splinter Cell, annoncé depuis 2005. Dans Chaos Theory, ils avaient fait une bande-annonce. Ou en gros, ça disait bientôt sur vos écrans. Et ça fait 12 ans qu'on attend le bientôt sur vos avec écrans. Avec le verre qui se brise devant le avec visage. Avec le verre qui se brise. Ouais. Vraiment grosse bande annonce. Mais je pense que du coup, s'ils avaient mis dans 12 ans, vous l'aurez toujours pas. Ça l'aurait moins fait. Je pense qu'on aurait pleuré. Bientôt. Alors, s'il vous plaît, les producteurs du film Splinter Cell, faites-le, parce que sinon Loïc, il va nous le sortir à tous les flops. Je me mets en PLS et je tape des pieds et je crie. Une grève de la faim est annoncée. Non, j'aime trop la bouffe, je pourrais. D'accord, pas. Ok. Ensuite, j'enchaîne du coup avec un coup de cœur. C'est l'annonce de Matrix 4 en film. Ah. Il y aura un Matrix 4 au cinéma. J'adore la trilogie. Matrix 4 ou reboot? Alors moi j'ai entendu parler de Matrix 4. Ah bon? Ben Matrix 4. Je après, préférerais que ça soit ça qu'un reboot. Mais... Oui, après oui. Je pense qu'effectivement ça va être une suite. En tout cas je l'espère. Après est-ce qu'il y aura Keanu Reeves et toute la clique? Je ne sais pas. Parce qu'il est censé être mort faire... dans 3. Oui voilà. Et ben, il y a des rumeurs comme quoi il ne serait pas vraiment mort et qu'il serait en fait dans une autre matrice. Mais il y avait quand le film est sorti sur les sites d'interprétation. J'adore ça, les sites d'interprétation de films etc. Il y avait justement des gens qui disaient déjà qu'il était possiblement pas mort. Et ben justement c'est le voilà, c'est bête à dire, mais tout simplement c'est pour tous ceux qui ont suivi la trilogie complète de Matrix également, si entre guillemets Keanu Reeves n'est pas mort mais qu'il est dans une autre Matrix au final, bah c'est quelque part un reboot en fait. Un logiciel. Après ça peut être un reboot, mais du coup suite directe de l'avant. Il parlait du reboot informatique. Tu vois. Voilà, oui. C'est un jeu de mots. Oui, d'accord. Enfin... Oui, ça va. Il est tard. J'ai vous faim, avez d'accord. spoilé qui voulait découvrir la trilogie. Fait pour vous. Bon, en même temps, ça a 10 ans. Oui, mais c'est ça. Ça reste une œuvre immortelle et une œuvre immortelle, tu la découvres. C'est vrai. C'est pas. C'est intemporel, Matrix. Et du coup, Maxime. Ah bah alors moi, je vais faire vite aussi dans mes tops. Je sais pas si vous savez, si vous connaissez Salt and Sanctuary, un petit jeu qui est sorti sur PS4, qui est un Dark Souls-like, Castlevania-like sur PS4 en 2D. Du coup, qui reprend des mécaniques à la Dark Souls, c'est-à-dire un jeu très compliqué où il y a des boss, etc. Mais attends, mais dis-moi, ne serait-ce pas un jeu indé ? Mais c'est un jeu indé et Fanny est contente. Sponsorisé Sony quand même. Hein, ah oui. Mais je veux dire, c'est que deux personnes qui l'ont fait, je crois. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, c'est vraiment indé à la base et comment dire, il est sorti l'année dernière, 2016, et pour moi, c'est un top parce que il sort. Dans quelques jours sur PS Vita en cross-buy, c'est-à-dire qu'on peut acheter les deux versions au prix d'un et enfin profiter de ce jeu prometteur sur la console portable de Sony qui se fait beaucoup trop discrète. Oui, c'est vrai. Et sinon, j'ai deux flops, mais je pense que je vais faire qu'un seul flop. c'est Ubisoft avec For Honor. Je ne sais pas si vous avez vu sur l'actualité. J'ai joué à la démo. J'ai fait la bêta, moi. Vous êtes peut-être au courant qu'il y a une boutique qui est liée à ce jeu, comme beaucoup de jeux multijoueurs, entre guillemets. Sauf que là, d'après Reddit, un site communautaire, il faudrait jouer 2 ans non-stop pour débloquer absolument tout le contenu additionnel, tout ce qui est cosmétique, etc. En legit, quoi. En jouant. Et ou sinon dépenser $732 pour tout s'offrir et pour un jeu vendu à 70 balles qui n'a pas la même aura qu'un MMO. Qu'un MMO ou qu'un MOBA ou etc. qui propose du contenu régulièrement gratuit ou débloquable etc. À mon avis déjà ils se foutent de la gueule des joueurs et ça n'a pas la même aura et ça ne vivra pas aussi longtemps qu'un MOBA et du coup les justifications qu'ils se donnent c'est que déjà les MMO font ça, ce n'est pas un MMO. Ubisoft s'en défend en disant que chaque joueur se concentrerait sur un seul personnage, sur les plusieurs disponibles, pour apprendre à jouer ce personnage. Mais je suis désolé, moi cette excuse ne tient pas. 2 ans sur un jeu qui va mourir bien avant. Le jeu est peut-être bon, mais les jeux Ubisoft ne survivent pas dans le temps. Je suis désolé de le dire. Surtout un jeu à 70€ de base. Ben oui. Enfin, même si le prix va baisser sûrement 50, en conséquence. 50, 60, mais voilà, quoi. Je veux dire, si c'était un free-to-play, etc., ça se justifie parfaitement, je pense. Mais là, non. Non. Mais peut-être que le fait que ça échoue, peut-être que ça va leur donner. Et d'ailleurs, en parlant d'échec entre guillemets, c'est qu'ils ont essayé de communiquer là-dessus sur une grosse vidéo. J'ai tiré ça sur le site ActuGaming. La vidéo a 50 000 vues par exemple. Et vous voyez sur YouTube les likes et les dislikes. Ouais. Je peux vous dire qu'on voit pas la barre des likes. Ah d'accord. Voilà, pour vous dire qu'au niveau communication, ils ont du boulot à faire et à mon avis, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je pense que c'est plutôt au niveau de la démarche qu'ils entreprennent qu'il faut voir. Parce que la communication, ils sont plutôt bons là-dessus, mais c'est juste qu'ils balancent tellement n'importe quoi que... Ah ouais, non mais là c'est pour se justifier de quelque chose, les justifications ne marchent pas. Voilà, exactement. Dire, voilà. Moi je voudrais faire un petit top sur un jeu, un dé... Oui, je sais. Encore et toujours. Qui s'appelle Bad Dream. Enfin, c'est la série des Bad Dream de Point Coma, qui est en fait une série de point and click très punitive. C'est-à-dire que c'est vraiment... on commence le jeu dans un rêve et on doit en sortir. Et à chaque fois qu'on clique sur quelque chose, il faut très bien réfléchir à ce sur quoi on clique, comment on clique sur quelque chose, parce que ça peut nous suivre pendant tout le reste du jeu, etc. C'est un jeu très punitif, à l'univers très très sombre, mais que moi j'adore. J'adore déjà la patte graphique qui est vraiment de simpliste au maximum. C'est pas un jeu avec la petite fille en jaune ? Non. Ah, pas du tout. Ah non, tu vois pas ton personnage, c'est comme si c'était dessiné sur du papier, en fait. D'accord. Et tu cliques dessus, t'as des petites... C'est pas avec un mec blond ? Non. Ah putain, mais tu ne vois pas ton personnage. C'est Nightmare, mais... Ah pardon. Et du coup, pourquoi j'en parle en top ? C'est parce qu'en fait, la série de jeux était disponible sur les sites de jeux gratuits et indies, type Indiegogo, etc. C'était la série des Bad Dream, donc qui compte 5 jeux, était totalement gratuite. Elle l'est toujours, hein, si vous voulez aller voir, si vous voulez vous tester au style du jeu. Mais là, ils ont sorti donc Bad Dream Coma, qui est un jeu plus conséquent, avec plus de budget, et ils ont réussi à le faire payer quelque chose, type 8€. Et ça marchait, et je suis très contente de voir que des petits studios comme ça, qui sont polonais, je crois, ils sont pas beaucoup, ils sont 4, qui ont engagé un artiste pour faire la musique, un compositeur. Ils l'ont pas simplement pris comme ça, la musique. Donc tout le sound, tout le background, etc. est vraiment super bien fait. Et qui ont mis du budget là-dedans. Et pour voir que ça réussit, et que c'est acheté, et que c'est achetable aussi. Moi, personnellement, je l'ai acheté parce que je suivais déjà la série des Bad Dream. Et je l'ai plus vécu comme un don aux développeurs que comme vraiment acheter un jeu. Et j'ai trouvé la démarche plutôt sympa. Et apparemment, j'ai regardé un petit peu sur les forums, voir comment les autres joueurs vivaient le truc. Et apparemment, tout le monde est plutôt content. Et ils ont fait quand même déjà pas mal de ventes. Donc je pense que, c'est Desert Fox, les développeurs. Et je pense qu'ils ont une belle route devant eux. Mais je pense pas qu'ils finiront en studio AAA ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'ils ont l'air de bien se contenter de cette démarche-là. Et s'ils peuvent en vivre, moi, je suis très contente pour eux. Voilà. Et ton flop, alors ? J'ai pas de flop. Oh, moi, vous êtes pénible, là, jamais... Et toi, t'as un flop, un flop que t'as pas monsieur. Oui. Toi, t'as un deuxième flop. Oui, mais je sais pas si on a le temps. Alors, du coup, Vas-y, balance. J'ai joué à un jeu il n'y a pas très longtemps parce qu'il y a un jeu d'infiltration qui allait sortir qui s'appelle Styx Shark. J'ai oublié le nom. C'est la suite de Styx. De Styx, premier du nom. Ouais. Et moi, j'ai joué au premier Styx, du coup, pour me faire une idée. Et je ne comprends vraiment pas les notes positives qu'il a eues. Vraiment, parfois, entre guillemets, élogieuses. C'est un jeu qui est tiré d'un univers Orcs and Men, qui était un autre jeu à part déjà, où on incarnait un gobelin qui est très fragile. Et du coup, le jeu t'entraînait à être discret, enfin, comment dire, te forçait à être discret pour accomplir ta mission. Et il y a tout qui ne va pas dans le jeu. Le level design qui est incohérent au possible. Qui est bordélique, non ? Qui est bordélique, qui est... je veux dire, t'as des trous dans les murs pour avoir des trous dans les murs pour passer, ça n'a aucun sens. T'as une pièce dans un mur, t'as pas de porte à l'intérieur de cette pièce qui est située en hauteur. Je veux dire, ça sert à rien. Elle raconte aucune histoire, cette pièce. Les niveaux, il y a une centaine d'ennemis par niveau. Je commençais à tous les tuer, puis à la fin, il y avait un compteur. J'en ai laissé plein en vie, j'en ai tué 50. et par exemple, ce genre de choses. L'histoire n'est pas très intéressante. Il y a un retournement de situation qui est bien exploité, mais ça ne suffit pas. C'est graphiquement daté. Et en plus, il y a du recyclage, c'est-à-dire qu'on va dans un sens et au bout d'un moment, tu fais tout le demi-tour dans le jeu. Oh mon dieu. Et, mais non, les il a pris des bonnes notes et il y a tout qui est approximatif. Les combats sont à chier, tu peux pas, c'est pas jouable. Les sauts sont ratés. Combien de fois je me suis raté parce que le personnage s'est pas accroché à un rebord où il y a des trucs qui sont impossibles à faire. Genre, tu arrives près d'un rebord, tu veux descendre pour te cacher au niveau de ce rebord. Non, tu peux pas, faut tomber. Tu vois, enfin, ou enfin, c'est un exemple parce que c'est peut-être pas tout à fait ça, mais il y a des mouvements que tu ne peux pas faire qui sont indispensables maintenant, qui ne peuvent plus. Qui font partie de l'expérience qu'on attend d'un jeu. D'infiltration, etc. Ouais. Et tout est approximatif, vraiment. Et apparemment, le 2 a l'air un peu mieux réalisé, mais ça reste la même chose. Et ouais. Disons, impardonnable, parce que d'un point de vue technologique, le jeu d'infiltration avec les mouvements, tout ça, c'est pas tout jeune, c'est pas tout récent. Je reprends encore après, une fois. Après, c'est pas un triple A. Voilà. C'est pas un triple A, c'était un projet à part d'un studio. À mon avis, ils l'ont fait comme ça. Là, tu prenais l'exemple simplement du rebord de pouvoir donc sauter, s'accrocher au rebord, de se cacher le temps que le machin au-dessus y passe, tu te relèves et tout. C'était déjà, mais comme je dis, je reprends l'exemple de Prince of Persia sur Apple II, pour dire, mais déjà à l'époque, sur ce genre de machine, ça existait déjà ce petit mouvement-là. MGS, tu pouvais le faire. Tu pouvais tomber sur le rebord tu pouvais tomber sur le rebord, c'était indispensable, mais par exemple, tu pouvais pas. Il y a des fois, le jeu te bloquait, tu pouvais pas passer un rebord comme ça, un coin de rebord. C'est ça, dans Tomb Raider 2, tu pouvais le faire. Ça, tu pouvais pas. Et par exemple, le jeu disait, oui, tu peux tuer un ennemi d'un rebord, etc. Sauf que des fois, au lieu de l'ennemi est situé d'un côté, tu veux l'atteindre discrètement, du coup, tu t'accroches au rebord. Sauf que quand tu arrives sur le coin, tu peux pas tourner le coin. J'ai jamais réussi à accrocher un ennemi. C'est plus des fautes. Enfin, ça rappelle plus des fautes d'inattention et de manque de manque de rigueur. Voilà, de rigueur dans le développement. Et du coup, apparemment, le 2 des critiques était à peu près le même, la même expérience. Mais j'espère que tous ces petits détails sont corrigés parce que c'est vraiment. J'ai joué en difficile en plus. J'en ai chié comme pas possible. Mais en plus, le jeu, je pense qu'il a eu pas mal de bons retours et de bonnes critiques. Donc, je pense qu'ils vont effectivement mettre plus de budget et j'espère plus de rigueur Il est sorti le 2 déjà. Et il est déjà sorti le 2. Oui, et c'est ce que je te dis, c'est que le jeu apparemment offre la même expérience. Mais sauf que moi, j'ai pas lu les tests, etc. Ouais. Mais si c'est vraiment. La même expérience. Si c'est vraiment la même expérience, c'est pas bon, quoi. Ouais. À ce moment-là, t'appelles le joueur du grenier et fais une vidéo dessus. Non, mais il y a plein de détails que je pourrais m'attarder dessus pendant 20 minutes. Mais, wow. Voilà. Alors, du coup, notre petit Loïc nous a préparé les agendas. L'agenda des sorties, oui, bien sûr. Vas-y. Donc, comme tous les mois, j'ai sélectionné 3 jeux. Donc, je vais commencer par Parappa the Rapper Remastered. Oh oui. Waouh, c'est pas jeune. C'est pas jeune du tout, puisque à la base, c'était un jeu qui était sorti sur la première PlayStation. Et donc, ils vont nous refaire donc c'est plus un remake qu'un remaster. Il s'appelle Remaster, mais c'est un remake. Le concept est toujours pareil en fait. On incarne Parappa the Rapper. Donc, c'est un espèce de chien qui évolue un peu dans l'univers hip-hop. Ouais. Et en gros, il y a des rythmes qui s'affichent à l'écran et le but, c'est tout simplement de les reproduire comme le modèle indiqué à l'écran. Donc, c'est vraiment fidèle au jeu de base de la première PlayStation. Petite question, parce que je l'avais vu passer à l'époque sur PlayStation quand c'était sorti. Donc, déjà, c'est cool, les graphismes étaient très simples. Hein, donc, côté remasterisé avec la technologie. Là, ce sera pareil, à mon avis. Ce sera l'aliasing pour moi, quoi. Donc là, on était avec la manette et tout, mais vu qu'on a les systèmes avec maintenant le Kinect, les vidéos, la webcam et tout, est-ce qu'on va pouvoir utiliser le mouvement soi-même? Alors, c'est quand même vidéoludique, c'est pour les enfants. Kinect. Alors, je sais pas, j'en sais rien. Kinect, c'est quoi Kinect? Qui utilise le Kinect encore? Ubisoft, là. Non, moi je pense honnêtement, il y aura peut-être éventuellement la PlayStation Caméra qui sera mise à disposition, possible, ou peut-être le PS Move. Ne serait-ce que le pad aussi tactile de la PlayStation. Le pad tactile éventuellement. Après, je n'ai pas d'infos en fait sur le gameplay, je sais juste que ça va être vraiment le principe même du jeu de base sur PS1. Après, est-ce qu'on va utiliser la caméra, le pad, les touches de manière classique? Je ne sais pas. Ensuite, j'enchaîne également sur un jeu qui, pour ma part, va être le gros coup de cœur d'avril, c'est Outlast 2. Ah oui. Donc, il sort en avril. Il sort le 25 avril. D'ailleurs, j'en profite par rapport au rappeur, c'était le 4 avril. Et là, j'ai Outlast 2 le 25 avril. Donc, à partir du 25 avril, c'était mars. On ne sort plus de chez nous. J'ai cru que c'était en mars. Non, Outlast, c'est en avril, le 25 avril. Putain, j'ai cru que c'était ce mois-ci, moi. Ah non, sinon. Non, tu vas devoir encore attendre un mois pour te chier dessus. Sinon, j'en parlerai pas dans la journée des sorties. Non, mais je sais pas, j'étais persuadé. Voilà. Et donc du coup, bah là c'est gameplay pareil, hein. Donc là c'est en gros on incarne un Blake Langerman qui est un caméraman qui travaille avec sa femme. Ils vont enquêter sur la disparition de deux journalistes et ils vont enquêter dans le désert de l'Arizona pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc gameplay d'horreur. Un peu le même gameplay, mais par contre pas la même histoire. Enfin, c'est pas la même histoire, mais le gameplay est exactement pareil. C'est pas l'horreur psychologique de l'hôpital psychiatrique. Voilà, là c'est plus, ça reste un peu l'horreur. Bah c'est un peu psychologique parce que bon, on évolue quand même dans l'ombre et on a que notre caméra comme source de lumière. Ouais, mais j'aimais bien moi tout ce qui est hôpital psychiatrique, sanatorium, je trouve que direct ça met dans l'ambiance quoi. Ça met dans l'ambiance, mais à mon avis ce sera assez angoissant. Ouais. Et ensuite j'enchaîne. Alors là c'est pas vraiment une vraie nouvelle sortie, c'est plus une mise à jour d'un jeu actuel puisque c'est Mario Kart 8 Deluxe sur Switch. Ouais. Donc c'est tout simplement le même Mario Kart 8 de la version Wii U. Que la Wii U, qui sera portée sur Switch. Qui sera portée sur Switch avec le nom Deluxe. D'accord, Deluxe parce que voilà. Bah, après, ils l'ont ressorti qu'un soir. Je pense que c'est ça. Donc après, est-ce qu'il y aura du contenu supplémentaire, je ne sais pas. J'ai noté également 32 circuits. On peut jouer jusqu'à 8 joueurs en local. Et puis bien sûr, tous les personnages emblématiques. Moi, je suis bien contente qu'ils remettent du local un petit peu. Bah c'est vrai que le local ça se perd un peu, voilà, on est à foison sur l'online, un peu de local de temps en temps, je suis assez d'accord. Surtout pour ce genre de jeu où généralement t'invites tes potes, tu sors la binouze et puis ça y est quoi, c'est parti. Surtout qu'en plus là ils peuvent se permettre de le faire sans problème parce qu'avec les grands écrans que l'on a qui font 120 cm pour partager l'écran, c'est mieux qu'avant qu'avec le 55 cm carré. Hein. Et la Switch et les petites manettes qui se séparent, c'est idéal pour le local ça. Oui, effectivement. Et je finis juste vite fait, en fait, la date de sortie c'est le 28 avril. D'accord. Voilà, j'avais pas dit la date, donc le 28 c'est avril. C'est pas ce mois-ci ? Non, j'ai compris. On est pas en juin déjà. Je sais pas, on a changé d'heure alors. Voilà, voilà. Alors, du coup, je vais vous dire au revoir à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Un petit mot de la fin, les enfants. Eh ben. Merci. Au mois prochain. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau dossier qu'on vous annoncera très bientôt pour vous teaser un petit peu. Avec toujours Max, avec Loïc, Nikos et moi-même. Toujours Fanny. Présent. Parce que personne ne me demande jamais mon nom. Hein. Comment tu t'appelles ? Bande de macho. Et Fanny, comment tu t'appelles ? Merde, j'ai la réponse. Ah merde, spoiler. Alors on se retrouve la prochaine fois et puis on se dit à très bientôt. Et avec le podcast un peu plus rapidement cette fois-ci. Ciao. Salut. La première web radio de la région. RMG, réagit tous les jours en direct sur rmg38.net et sur l'appli iPhone. À Grenoble, retrouve toute l'actualité et les coulisses de ta radio sur Facebook, Twitter et Instagram.